Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 96e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et la banane. Et ça y est, enfin, on a reçu nos PSVR 2, les tant attendus. Et voilà. Ouh, ouais, c'est la fête. Ça fait une semaine qu'on les a sur le crâne, qu'on n'arrive pas à le lâcher. Ça nous a permis justement de faire de gros essais, de gros tests sur ce casque, de voir ce qui va bien, ce qui va pas bien. Et pour en parler, j'accueille Majo. Salut Majo. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu, mon petit Majo? Eh bien, ça va. En pleine forme, encore une fois. La hype est redescendue, du coup, on a reçu nos casques, enfin. C'est ça, maintenant. Depuis le temps qu'on les attendait, ça nous paraît si loin, maintenant, tout ça. Ah oui, c'est vrai, maintenant c'est concret, quoi. Maintenant, on est dedans, et puis voilà. Je vois que tu n'as plus ta petite marque sur ton front. Je l'ai perdu. Effectivement, avec beaucoup de crème, des petits massages crâniens. Tu as mis du fond de teint. Exactement, ouais, je me suis maquillé exprès pour l'occasion. Et nous avons Laurent. Salut Lolo. Salut. Comment vas-tu, mon petit Lolo? Ah, mon très petit Lolo, du coup, là. J'ai appuyé sur le truc de ma chaise, elle s'est enfoncée d'un coup. Voilà. Ouais, ça va. Le mec, il soigne ses entrées, quoi, je veux dire. Exactement. Les effets pyrotechniques. C'est ça. Bon, ça va bien, Laurent, du coup? Oui, bah ça va. Pareil, hein, comme tout le monde. PSVR 2 reçu. La truc de charge, elle a tardé parce que le transporteur était pas foutu de trouver ma maison. Donc j'ai cru que j'allais sortir le cutter et faire comme El Rocco dans sa vidéo d'unboxing du PSVR 2. Mais non, c'est bon, j'ai tout eu. Voilà, la vidéo de l'unboxing, putain, c'est pas facile à dire, du PSVR 2 que vous pouvez retrouver évidemment sur la chaîne VR for Player, en même temps que les premières previews des jeux qu'on a eu la chance de tester depuis une petite semaine. Ça y va. Ouais, il y a beaucoup de taf, trop peu de temps, trop de jeux, clairement. Donc, ce qu'on va faire du coup, c'est une émission qui va pas être extrêmement exhaustive. Hein, si vous attendez d'avoir des retours sur tous les jeux qui sont présents sur le line-up, malheureusement, on va pas pouvoir le faire. On va se garder quelques cartouches pour la prochaine et pour certainement aussi celle d'après. On va revenir un petit peu sur les principaux, mais quoi qu'il en soit, on va quand même débuter par le State of Play qui a eu lieu le 23 février 2023 et qui nous a présenté quand même quelques petits jeux pour le PSVR 2. On dit bien petits jeux. Et donc du coup, on va lancer la vidéo et puis les découvrir ensemble. On n'a pas eu l'occasion de faire un live pour ça parce que voilà, disponibilité, tout ça. Et finalement, je pense qu'on n'a pas trop eu tort de se niquer une soirée pour ce State of Play. Mais du coup, on va essayer de la commenter un petit peu en direct différé maintenant. Et puis, on va découvrir un petit peu ce qui était présenté et savoir ce qu'on en pense et si on est hypé ou pas. C'est les petites choses qui nous intéressent. Go. Allez, go. Donc, on commence par The Foglands. Alors, avec une ambiance western, western zombie. Ah, l'aspiration n'y est pas. Alors ils avaient prévenu que ce serait pas des jeux AAA, des jeux des PlayStation Studios. Le design, il fait quand même un petit peu penser à du Borderlands, quoi. Je veux dire, c'est du cel shading, ça a pas l'air non plus trop dégueu. Quoi. Ah non, moi au contraire, j'aime bien ce style graphique. C'est édité, c'est développé par le studio, c'est Well Told Entertainment. Ouais. Apparemment, il parle d'un roguelike. La gueule m'a pas. Alors bon, c'est sûr, comme tous les State of Play, faut pas regarder le chat en live parce que ça taille. Hein, à part Fortnite ou GTA ou je sais pas quoi, dès qu'il y a de la VR, de toute façon, ça va pas changer. Il y a toujours des types qui sont complètement débiles. Mais moi, je trouve que le look est pas vilain. Après, faut voir ce que ça rend toujours dans le casque, hein, c'est sûr. Ça a l'air de tout miser sur le gameplay, en fait, j'ai l'impression. C'est mise à fond sur le gameplay, quoi, sur le fait de pouvoir balancer des trucs, tirer, voilà. Ça reste du classique VR, quoi. Je sais pas, Majo, ce que t'en penses? Pas grand chose. Oh, parfait, merci Majo. Bon, alors peut-être un truc qui va un peu plus t'inspirer ensuite, c'est c'est Green Hell. Green Hell VR. Ah. Sleep, ça beaucoup plus. Sleep en peau de bête simulation. Donc je pense que. Sanguine de Smoke like. Ouais. Bah, on en avait parlé pareil il y a 15 jours. Sanguine de Smoke a du souci à se faire quand même. On est quand même sur quelque chose de beaucoup plus fourni avec un gameplay un peu plus étoffé, plus varié que Sanguine de Smoke. Ouais, je l'avais dit, l'ambiance aussi colle un peu plus à cet aspect justement très archaïque de tout ce que tu fais. Là, on est dans un univers un peu plus récent quand même. Donc, moi, je pense que tu vas être infidèle à Sanguine de Smoke. Ensuite, je l'ai fini donc de toute façon. Voilà. Forcément. Alors, faudra un autre maintenant. Ensuite, par les développeurs de Fract que t'avais bien aimé aussi, Majo. Ouais, qui était plutôt pas mal, qui était bien surtout. Bien surtout, ouais, qui avait fait aussi. Pas Kayak VR du coup, mais Phantom Cover. Ah, rien à voir, ouais, effectivement. Si, puisque c'est un jeu de kayak, mais d'infiltration, d'espionnage. Fract était bien parce qu'ils avaient bien utilisé les PS Move, en fait, avec. Ils avaient bien compensé leurs faiblesses. Donc, pour le coup, et là, on en retrouve, en fait, typiquement la même typologie de gameplay avec cette main pour s'agripper, on va dire, au décor et se camoufler. Ça a l'air. Alors pour le aussi dynamique et pour le camouflage, je suis d'accord. Par contre, pour agripper, en fait, je pense que la main gauche, en fait, sert vraiment à choper les ennemis et à interagir avec les décors. Et j'ai l'impression que les mouvements se font, tu sais, par balancier les mains de gauche à droite, tu sais, comme certains jeux justement pour éviter le motion sickness. J'ai l'impression que c'est un truc hybride un peu comme ça qu'ils proposent. Peut-être. Non. Enfin, je pense que ça va se faire avec les joysticks de manière très simple et très fluide. Oui, mais en tout cas, il y aura le choix, un petit peu comme Horizon, et ça, on en parlera tout à l'heure. Alors ensuite, on tombe dans de l'Asimov, donc voilà, pilier de la SF au niveau de la littérature, et de Foundation, voilà, donc développé par Archiak, c'est bien aussi, je trouve que ça sonne bien, ça sonne mieux. Archiak. Donc voilà, là, on est dans du classique VR gameplay... pour ceux qui découvrent, c'est-à-dire que t'as du motion gaming pour escalader, pour te planquer. Ah, c'est du Star Wars. Je sais jamais le nom. Galaxy Edge, je sais pas quoi. Tales from the Galaxy Edge. Dont on ne parlera pas ce soir d'ailleurs. Je tiens à préciser. C'est vrai, mais on l'a pas testé encore, bizarrement. Ouais, ça viendra, t'inquiète. Donc après, oui, ceux qui sont fans et des bouquins et de la série, pourquoi pas. Donc qui sont vieux. Après, faut voir ce que ça donne. Moi, franchement, ça a l'air d'être des petits jeux qui ont pas l'air de péter plus haut que leur cul, mais qui ont l'air quand même plutôt, plutôt sympa, quoi. Pas trop dégueu graphiquement et qui ont l'air d'avoir une proposition, en tout cas. Ça, on verra quand on aura le casque sur la tête. Bien sûr. Moi, celui c'est Synapse, je pense, qui me hype le plus. Ouais, Synapse. Et là, du coup, on est en train de regarder Before Your Eyes. Alors, ouais, alors ça, c'est pas une nouveauté. C'était un jeu qui avait déjà été annoncé précédemment. Ouais. C'est un jeu plat à la base, d'ailleurs, et qui joue beaucoup avec l'eye tracking. Donc pareil, des changements d'environnement un peu intempestifs. À voir, curiosité, c'est pas encore une on fois va, c'est un on truc. On va pouvoir faire évoluer l'histoire et faire avancer tout ça juste en clignant des yeux. Donc faut voir ce que ça peut donner. Après si c'est, faut voir, on a la chance d'avoir un casque avec de l'eye tracking, donc si l'eye tracking est utilisé pour le gameplay, pourquoi pas, faut voir ce que ça peut donner. Par contre graphiquement tu sais, on dirait le jeu de Nintendo là, comment ça s'appelle déjà, ouais. Animal Crossing, merci. Alors ça vraiment, je suis vraiment pas fan, hein, perso, enfin du style graphique en tout cas. C'est pour les enfants, quoi. Les enfants et les mamans. Les enfants qui n'ont. Oh, je vais faire taper dessus. Il y a des papas qui jouent aussi, il y a des garçons. Pour qui le casque n'est pas conseillé. Bon, après, c'est un pseudo-simulateur de vie, Animal Crossing. Ah oui, complètement. C'est des paysans, c'est mignon, c'est calme, c'est la détente. Et ensuite, si on passe au prochain, du coup, on a aussi Humanity, qui a été présenté à ce State of Play. On en parle depuis des mois, voire même presque un an. Des années. Oh bah, ouais. Oh bah plus que ça, il a été annoncé en 2020. Des années, parce qu'il était annoncé sur PSVR. Ouais, à la base, il était sur PSVR 1. Et franchement, il aurait pu tourner ce PSVR 1, je pense. Vraiment. Ah oui. Bah, s'il était annoncé, oui. Après, il y a quand même beaucoup de personnages. Il y a un moteur physique assez particulier avec tous les petits bonhommes. Quoi. Mais bon, c'est un puzzle game, du coup. Un jeu d'énigmes. Un peu à la manière des Ratchet & Clank, de la partie avec Clank dans le dernier Ratchet & Clank, Rift Apart, où tu dois justement jouer avec les personnages à faire sauter avec des reproductions, etc. Un petit côté Lemmings. Non, pas du tout. Non, quand il est dans les. Oui, non, mais quand il est dans les interzones. Non, je parlais pour Laurent. Quand il est dans les interzones où en fait tu dois utiliser plusieurs petits Clank en fait et les faire sauter, les faire se téléporter, etc. Oui. Voilà. Ça a l'air d'être un peu dans le même esprit, donc. Mais donc, à la base, c'est même pas un jeu, c'est un moteur en fait. C'est un moteur, ouais. C'est donc le studio, c'est, alors, je sais pas combien, THA. Et donc le type a créé ce moteur, et puis un jour, il a eu la visite de Tetsuya Mizuguchi, donc c'est le papa de Res Infinite et de Tetris Effect. Et lui, il a vu ce moteur, et il a dit, mais il faut en faire un jeu. Et c'est de là que Ains Games sont rentrés dans la partie pour en faire un jeu qui a été annoncé sur PSVR. Officiellement en plus par PlayStation et puis qui est jamais arrivé et puis le voilà là maintenant il est annoncé sur PSVR 2, donc à voir. Au début je voyais ça un peu comme un Lemmings, un truc ça comme fait ça, grave puis, penser à Lemmings hein. Quand il joue c'est c'est complètement ça. En tout cas c'est aussi aussi jouissif que Lemmings d'avoir des petits personnages qui avancent tout le temps. D'avoir des pertes et tout, c'est un jeu qui est communautaire, du coup, à la manière de Dreams, si je lis bien, où tu peux créer tes propres niveaux. Ouais, c'est ça. T'es illimité en niveau. Et du coup, ça fait partie des jeux qui sont proposés en démo sur PS5 et sur le PSVR 2. Et donc, du coup, vous pouvez tester gratuitement, en tout cas sur ces premiers niveaux. Et j'ai eu l'occasion de le tester. Et franchement, il y a un petit côté... jouissif en fait justement de voir ces petits personnages là qui suivent leur ligne, certains quand tu fais des petits décalages justement sur les puzzles qui se cassent la gueule parce que voilà c'est procédural quoi, il y a un moteur physique derrière et c'est moi j'ai bien aimé, je pense que c'est un jeu franchement qui va me plaire, ça c'est pas un jeu qui va révolutionner la réalité virtuelle ou quoi que ce soit mais c'est un jeu qui est vraiment c'est un petit jeu feel good, on va dire. Et je pense qu'il y a un propos aussi derrière, je pense, avec tous ces suiveurs, ces humains, justement, qui suivent une ligne directrice, qui ont une espèce de but. Tu vas loin, là. Non, mais je pense que, justement, c'est un truc un petit peu de perché. Et connaissant, justement, l'attrait du développeur de Res Infinite sur les trucs un petit peu perchés, je pense que, justement, il doit y avoir une petite réflexion derrière un petit peu intéressante, quoi. Donc voilà. Oui, c'est bien possible. Moi je pense qu'il y a un truc un peu mindfuck sur la fin. Et du coup, à propos des démos, Majo, tu voulais parler justement des démos qui sont disponibles. Ouais, alors il y en a une petite tripotée quand même. Alors on en avait parlé il y a 15 jours du fait de ce manque un peu de démos. On parlait du démo disque qui existait bel et bien avec la version du PSVR 1 À l'annonce du PSVR 2 et à la date de sortie, en fait, on s'est retrouvé avec plusieurs démos disponibles. Donc ça, c'est très très bien. Donc on a Puzzling Place dans sa version PSVR 2, donc qui est un jeu de puzzle que j'ai testé, qui est plutôt sympa, que j'avais pas testé sur PSVR. Je voulais faire je voulais essayer les deux, voir s'il y avait une grosse différence ou pas. Et puis finalement, c'est pareil, c'est un jeu posé. Alors c'est pas un jeu qui révolutionnera la VR avec l'arrivée du PSVR 2, mais la démo est dispo, et puis c'est si vous avez envie de faire un petit puzzle chill dans une ambiance plutôt calme, c'est assez assez sympa. Alors il y a plusieurs niveaux de difficulté. Moi je crois que j'ai pris un 40 pièces pour commencer, ce qui est déjà pas mal. Il y en a bien pour une petite vingtaine de minutes à faire le puzzle, et puis je crois que ça va jusqu'à 500 ou 1000 pièces. Donc bah, pour les plus patients, c'est plutôt intéressant. On a aussi Drums Rock, qui avait été annoncé en même temps que le pod d'il y a 15 jours aussi, dont la démo est dispo. Donc le jeu de batterie, voilà, un jeu de rythme de batterie qui est dispo. La vitrine technologique Horizon Call of the Mountain, dont on parlera très certainement tout à l'heure, Lolo, donc qui est disponible lui aussi. Alors c'est la même démo que celle qui avait pu être essayée par Laurent et El Rocco à Paris, dans les locaux de PlayStation. Humanity, dont on vient de parler, donc du coup la démo est également disponible pour un... Alors, je crois que tout le jeu est dispo, mais c'est juste le... un temps limite en fait dans le jeu. L'autre gros titre pardon et grosse sortie de ce PSVR 2, c'est Resident Evil 8, qui est disponible lui aussi en démo, à l'image de ce qu'avait proposé le 7, mais le 7 qui avait plus fait une espèce de teasing avec Kitchen et puis la démo, démo d'une heure. C'était une expérience un petit peu à part pour le 7. Kitchen, ouais, et puis après ils avaient fait une démo d'une heure où tu te baladais dans le manoir, dans la maison des Baker. En solo, mais qui ne faisait pas partie justement du jeu, c'était aussi un truc vraiment mis en scène à part. Ah ouais, il y avait des choses un petit peu différentes qui se passaient justement, qui étaient un petit peu différentes du jeu final. Tu retrouvais la cassette, la caméra, tu passais dans le passage et tout. Bon, il me semblait que c'était le début. Enfin, du coup, cette démo d'R8 est aussi disponible et on vous conseille quand même de la faire parce que ça fait partie des meilleurs jeux du lancement. Star Wars, donc dont on parlait tout à l'heure aussi, qu'on n'a pas testé mais qui est testable gratuitement, donc le Tales of the Galaxy Edge, Song in the Smoke, que j'ai également relancé, donc qui est disponible en essai gratuit, et Cosminus Height, donc qui est l'autre jeu de ceux qui ont fait Vacation Simulator et Job Simulator, c'est ça, si je dis pas de Vacation, ouais, c'est ça. Vacation, tout le monde l'a entendu. Tout le monde a entendu Majo. Vacation. Vacation. Vacation Simulator. Exactement. C'est une sur la coupe, que je n'ai pas essayé non plus. Je ne sais pas si vous l'avez essayé, messieurs. Si. Laurent l'a essayé a priori. Parce qu'il aime beaucoup les cocktails. Lequel? J'ai essayé aussi Cosmonius High, Vacation Simulator. Non. Job Simulator. Cosmonius High. Ah oui, Cosmonius High, oui, c'est dans le même esprit en fait, hein. C'est super coloré, c'est même archi coloré, c'est des petits bonshommes qui ont des grands sourires avec des grandes bouches, des grandes mains et puis plein de couleurs. Et puis on te dit, oulala, il y a le feu, va trouver l'extincteur pour éteindre le feu, oulala, il y a ça, il y a lui, il a besoin d'un sandwich, va trouver les éléments pour créer le sandwich, enfin c'est du genre de truc quoi. D'accord, bon, t'as l'air complètement conquis par l'expérience. Exactement. Donc pas un truc ouf, si, pas un truc qui va révolutionner encore. Non, niveau du jeu, c'est ça reste quand même le truc à la Job Simulator, et sauf que ça se passe sur une autre planète au lieu d'être en vacances ou d'être au boulot. Mais je préférais presque Job Simulator. La messe est dite. Après, je vais peut-être avancer un peu plus pour savoir, mais on en parlera tout à l'heure justement, parce qu'il y a deux, trois trucs qui m'ont fait tiquer sur le jeu. Donc, bon. Donc. Ouais, c'est tout. Ça fait 2, 4, 6, 8 démos. Donc, c'est pas mal. C'est plutôt sympa. Voilà. Ouais, c'est bien. Parce ça vous permet de vous dire, de vous faire un premier avis sur pas mal de jeux et de savoir qu'est-ce qui vous intéresse. Le plus ou le moins dans toutes ces typologies, parce que voilà, il y a un peu de tout. Il y a du jeu de rythme, il y a de la démo techno, il y a du jeu de réflexion, il y a du survival, il y a du mignon et coloré. Voilà, il y a vraiment, c'est assez éclectique là-dessus dans la typologie de jeu pour les démos. Voilà. Voilà, en tout cas, quand on a un nouveau casque, t'as envie de savoir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, et ça te permet un petit peu de faire le tour, quoi. Finalement, ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, selon un petit peu les sensibilités aussi de chacun. Vis-à-vis du motion sickness, c'est vrai qu'il y a un petit peu de tout. Donc non, c'est très très bien qu'ils aient fait ça. Et maintenant, messieurs, on va rentrer dans le gros sujet, à savoir le PSVR 2. Alors voilà, qu'on attendait comme des fous. Pendant des mois, on vous a suffisamment cassé les pieds justement sur l'attente, sur les premiers tests aussi de El Rocco et Laurent du coup à Paris. Il y a du bon, il y a du moins bon. On va essayer quand même d'être assez exhaustif sur notre test et puis sur nos ressentis. sur ce casque, sur le nôtre et aussi sur ceux de la communauté de Discord, parce qu'il y a quand même pas mal de retours, il y a aussi des gens qui ont eu quand même pas mal de soucis sur certains points. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur, sur tout ça. On l'a reçu, on l'a mis sur le crâne. Laurent, quelles ont été tes premières impressions ? Au tout début, à la première minute où tu j'ai mets sur le crâne, voilà, c'est le tien, c'est pas celui de PlayStation, c'est le tien. Tu le mets sur que t'as acheté, tu le mets sur ton crâne. Qu'est-ce que t'en as pensé? La première fois quand je l'ai lancé, par quoi j'ai démarré? Parce qu'en fait, j'ai pas démarré vraiment mon premier lancement. J'ai normalement par le paramétrage. Même... Oui, normalement, ouais. Oui, bah oui, bah le paramétrage, il s'est bien passé, donc j'ai pas eu trop de soucis là-dessus. Après non, moi c'est surtout en fait j'ai lancé plein de jeux, donc on en avait pas mal, donc j'ai lancé beaucoup de jeux pour avoir vraiment une vision de, on va dire, 10 minutes par jeu pour voir déjà une première impression de tout le panel de jeux. Je me suis pas focalisé sur un jeu en particulier. Et donc après ça, bon, pour moi ce qui me choque le plus c'est le catalogue. Ça c'est, je pense que c'est... Après, ce que j'en ai pensé. À quel niveau ça te choque le catalogue? Eh ben, le catalogue, si t'enlèves tous les jeux Quest et tous les remasters PSVR, t'as plus rien, quoi. Ouais. Et puis les bugs, parce que des bugs, il y en a sur chaque jeu. Alors, il y en a peut-être certains qui en ont pas. Il y a eu des bonnes surprises aussi. Je m'attendais pas à certains trucs et j'ai dit putain, ouais, ça c'est bien. Non, le premier jour, en fait, j'étais pas si déçu que ça parce que je me suis pas lancé. Par exemple, tu te lances pendant 3 heures sur No Man's Sky, tu prends ton casque, tu le jettes, quoi. Ouais. Tellement c'est flou, tellement c'est dégueulasse, tu te dis c'est pas possible. Je me mets à la place de quelqu'un qui a reçu son PSVR, il avait pas trop de sous, il s'est dit je vais prendre un seul jeu, je vais prendre No Man's Sky. Le type, il est dégoûté de la vie. Parce que cette version était très attendue aussi. Hein. Bah oui, et puis surtout un jeu complet comme No Man's Sky, et puis surtout qu'on avait déjà No Man's Sky sur PS4, sur PS4 Pro, et après sur PS5, donc, et sur PSVR, il était plutôt pas vilain sur PS5. Donc là, on fait marche arrière, en fait. La version PSVR 2 est moins belle que la version... Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ah, vas-y, Majo. Ça commence. Qu'est-ce que ça commence. Tu la trouves plus jolie? Alors, je la trouve plus jolie, oui, forcément, mais elle est plus fou. Ah bah dis donc. Plus jolie, mais fou, ouais, mais... Si tu fais vraiment, en fait... Je la trouve ni plus jolie, si tu fais, en fait, si tu, moche, si tu fais vraiment la comparaison, tout ce qui est végétation sur la version PS4, PSVR et même sur la PS5, la partie, en fait, où tu voyais, on va dire, la végétation, c'était une espèce de sphère qui était tout autour de toi, qui avait une certaine distance, je dirais une dizaine de mètres, en fait, et au-delà de cette sphère, tu voyais plus rien. Ouais. Là, dans cette version, et c'était très net. C'est le clipping. Mais tu voyais énormément de clipping, exactement. Et même au loin, tu n'avais pas d'arbres particulièrement ou de choses. Et donc, dans cette version PSVR 2, en fait, tu n'as plus cette sphère. Tu as donc la végétation qui s'étend beaucoup plus loin. Tu vois aussi plus de, on va dire, de détails dans les parties lointaines. Donc, par exemple, si t'es sur les hauteurs, en fait, ben en bas, tu vas voir les roches, tu vas voir les arbres, mais ça dépendra de la planète sur laquelle tu es. Enfin, on va dire les formes les plus grosses ou de taille moyenne, tu vas les voir d'assez loin. Quand tu vas rentrer dans les stations spatiales, tu vas avoir une espèce de texture au niveau du carrelage, tu vas avoir un peu plus de luminosité, les couleurs sont différentes. Par contre, là où ils ont fait un retour en arrière de 6 ans, c'est sur le flou. C'est-à-dire que tu vois pas à 10 mètres. Le jeu, il est aussi flou. Le jeu, il est aussi flou que la version PS4 standard de 2019. Et méga aliasé sur les arrière-plans. Ouais. Ça c'était déjà le cas aussi. Il me semblait qu'ils avaient amélioré. Peut-être un peu moins sur la version PS5. Mais j'aurais dû le relancer, mais putain. Mais du coup, en fait, c'est finalement ce compromis entre les deux qui n'est pas bon, quoi. Alors on pensait, je sais pas si l'eye tracking est utilisé, et on pensait que justement ça compenserait, alors qu'en fait pas du tout. Et pour être très honnête, je préfère jouer la version PS5. PSVR classique, donc le jeu PS4, que aussi, cette version PSVR 2. Voilà. D'ailleurs, je l'ai lancé, j'ai joué 10 minutes, ça m'a saoulé. Saigner les yeux. J'ai un autre problème, j'ai plus de jetpack, alors ça, je sais pas pourquoi, mais je peux plus sauter en fait. Donc dès que je tombe dans un trou, je meurs, je peux plus sortir. Enfin. Ah non, moi c'est bon. Il me l'a conservé le mien. Ouais, donc en fait ce qu'ils ont augmenté justement au niveau technique, au niveau des textures et au niveau du clipping, tu le perds dans la résolution en fait, parce que ce problème de flou justement, c'est un problème de résolution qui est un peu plus basse peut-être. Exactement. Et malgré tout, il y a encore du clipping. Attention, je dis pas qu'il y en a plus. Il y en a encore, mais ça va être un peu plus loin ou fait différemment, mais le plus gros problème, c'est vraiment ce flou. Enfin, je répète, mais tu vois pas à 10 mètres, quoi. C'est incroyable. Et toi, du coup, tes premières impressions, Majo, quand t'as mis le casque, justement, pour la première fois? Alors moi, mes premières impressions, c'est que j'ai dû refaire deux fois le paramétrage parce que j'ai pas eu le temps de le terminer la première fois. Donc ça, déjà, j'étais un peu blasé. J'étais chaud, très, très excité de... Ouais, exactement. Très excité de l'essayer, et puis bah, finalement, j'ai décalé d'un jour. Et puis, mitigé. Alors, j'ai commencé par Horizon Call of the Mountain, que j'ai trouvé incroyable. C'est magnifique, malgré l'escalade. Enfin, bon, après, j'ai pas été très loin, donc visiblement, plus t'avances dans le jeu, plus y en a. Mais j'ai été très agréablement surpris par ce jeu d'un point de vue technique. Le gameplay, voilà, j'ai essayé, j'ai fait le début avec le premier combat. Ça m'a pas forcément dérangé, ça m'a pas du tout dérangé finalement de tourner autour de cette sphère, d'avoir cette gestion d'esquive et en même temps de viser, parce que c'est suffisamment dynamique en fait pour pas que tu te poses la question de savoir. Et puis finalement, est-ce que c'est pas mieux que ça soit géré comme ça que plutôt où t'es les bêtes qui te sautent dessus, j'ai une théorie là-dessus, leur équilibre, qu'est-ce que ça aurait fait, hein. J'ai une théorie là-dessus, voilà, mais je pense qu'on collé à leurs pieds, tu vois, ou passer en dessous. J'ai une théorie, mais je pense qu'on a troisième personne. On y reviendra justement quand on fera le test du jeu plus tard dans l'émission. La vue troisième personne, s'y prête bien. Donc après il y a quelques détails forcément. Enfin, il y a des trucs qui m'ont un peu choqué, mais voilà, mon premier jeu, ça a été Horizon, et puis le deuxième, ça a été GT7. Et puis GT7, voilà quoi. c'est ça déchire. Vous pouvez retrouver la preview sur la chaîne Vert4Player. Exactement. Avec la communauté Discord. Donc ces premières impressions plutôt bonnes. Les premières, et après un peu différent. Ok, moi Et toi, Sei? Alors moi du coup je l'ai récupéré, enfin je me suis fait livrer le PSVR 2 pendant que j'étais en télétravail. Avec un jour de retard. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, je suis dans la campagne, dans la forêt, je veux dire faut la trouver, la baraque, hein. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'ai pu le tester pendant ma pause. D'ailleurs, si mon chef nous écoute, je l'ai testé pendant la pause, hein, pendant la pause de midi, attention, hein. Voilà, donc je l'ai testé pendant 3 quarts d'heure. C'est même pas vrai. Si, c'est vrai. Arrête. Je l'ai testé pendant 3 quarts d'heure. Alors j'ai testé le premier truc que j'ai essayé, c'était Horizon. Le second, c'était Gran Turismo 7, et le troisième, c'était la démo de Resident 8. Et le truc qui m'a un petit peu sauté à la gueule en mettant pour la première fois ce PSVR 2, c'est son inconfort, en fait. C'est le fait que j'arrivais pas du tout. Je le mettais vraiment comme un PSVR 1, c'est en essayant de caler le casque vraiment sur le haut du crâne, hein, le haut du front. Et ça marchait pas, en fait. Et je trouvais que le casque était inconfortable, ça m'a fait une grosse marque sur le front. J'ai pas réussi à trouver le sweet spot, justement, pour... malgré les réglages, hein, avec la molette qui sont super bien justement pour l'écartement aux pupillères, là. Mais j'ai pas réussi à trouver le bon réglage. Et puis le petit effet de Mura, alors apparemment on appelle ça l'effet de Mura, justement les petits effets de gris justement qui est lié à l'écran OLED et qui grise un petit peu tout le rendu, quoi, selon la luminosité que tu mets dans ton casque. Ma première expérience, au bout de 3 quarts d'heure, c'était... Voilà, c'était un petit peu mire, c'était un petit peu déçu, quoi. Franchement, je me suis dit, putain, mais franchement, c'est pas possible, quoi. On en attendait beaucoup, j'en attendais énormément de ce casque-là. Et franchement, ma première impression, c'est vraiment la déception. Clairement. Voilà, j'ai testé. Donc Horizon, je l'ai trouvé plutôt joli, mais bon, avec un petit effet quand même qui était pas terrible. Aussi dû au positionnement de mon casque qui était pas bon. Gran Turismo 7, par contre, j'étais tout de suite bluffé par, bah, par l'immersion du jeu, l'efficacité, le tracking du casque qui fonctionnait super bien. Et puis Resident 8, bah, j'étais obligé de le comparer justement à la version PC que j'ai pu faire. Et j'ai trouvé que le motion control, hein, c'est bien pour les gens qui aiment ça, c'était quand même intéressant, ça fonctionne plutôt bien, les scènes se répondent bien. Il y a des impressions, enfin il y a des effets de tir et de retour haptique dans le casque qui fonctionnent bien. Graphiquement, c'est assez équivalent à la version PC, qui reste un mod en plus, je le rappelle. Et puis voilà, quoi, je veux dire, rien d'exceptionnel en tout cas par rapport au mode sur PC, mais voilà. Ma première impression, je me suis dit, je m'entendais quand même un petit peu à mieux. Après, mon avis a changé au fur et à mesure que je l'ai utilisé pendant cette dernière semaine, notamment au niveau du confort. Quand je supportais pas de le garder plus de 2 heures sur le crâne, ou même 1 heure et demie sur le crâne, maintenant, le repositionnant vraiment comme il faut, j'y arrive beaucoup mieux et je tiens beaucoup plus longtemps. Donc, ça évolue. Je pense que c'est vraiment un casque qui est pas aussi... aussi friendly que le PSVR 1 en termes de confort. Je pense que c'est vraiment comme une nouvelle paire de chaussures, en fait, faut vraiment que le pied se forme, tu vois, ou comme une nouvelle paire de lunettes, en fait, faut vraiment que tu t'y fasses et que tu l'utilises pendant quelques jours pour pouvoir le positionner comme il faut, apprendre à le régler. Et c'est ça un petit peu la difficulté, je pense, un des points faibles du PSVR 2. En tout cas, c'est mon avis là-dessus. Oui, sur le confort, je suis assez d'accord. Effectivement, tu parles du alors on a accessoirisé, hein. Donc, tu parles du confort, du coup, donc ça c'est le 2. Donc voilà, là il y a Majo qui montre le PSVR 2, du coup, pour les gens qui sont en audio. C'est cette zone ici qui est, alors je vais essayer de faire la zone frontale, qui est un peu différente et surtout plus fine que le premier PSVR où on avait cette petite calotte. Exactement, supérieur, qui se coller au front, en fait, et qui faisait vraiment une stabilité et une gestion du poids qui était bien meilleure, je trouve. Là on est sur quelque chose de plus comment dirais-je, concentré, en fait, ici. Voilà, là où ça sur l'eau du vraiment front. Sur une zone plus large. Exactement, et c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'il faut s'habituer à utiliser et à positionner correctement. Et comme tu dis, c'est vrai qu'au départ, on avait tendance, justement, à le mettre, on va dire, l'arceau au niveau haut de la tête. Au niveau haut, comme le PSVR 1, en fait. Et comme le Rift S aussi. Alors qu'en fait, pas du tout. Il faut vraiment que l'arceau, il descende au niveau de la nuque. De la nuque, c'est ça. Et comme tu disais, ça règle aussi une partie de ce problème de sweet spot où vraiment, du coup, les yeux sont plus dans l'axe des lentilles. Donc ouais, confort différent, effectivement, avec le temps, finalement c'est plus vraiment un problème. Donc je pense que, comme tu dis, c'était vraiment le temps de s'habituer. C'est pour ça que j'en ai pas vraiment parlé. Enfin, au début j'en ai parlé, j'avais même envoyé une photo d'ailleurs sur le groupe. Tu seras gentil de pas partager ça, Sei. Avec ma super marque sur le front à la sortie de mon premier essai. Il faut que je la retrouve, du coup, attends. Et puis, c'est vrai que ouais, pour le coup, je disais, c'était un des premiers trucs qui m'avait sauté aux yeux, mais finalement, en fait, en cherchant le bon positionnement, en essayant de se caler, on s'aperçoit qu'il se met pas du tout de la même manière, et c'est ça, en fait, qui est important dans le confort, parce qu'on a un casque qui est quand même plus léger que le précédent, et puis voilà, et puis les mousses aussi. Les mousses sont un peu plus souples, moins rigides que sur le premier PSVR, et ça peut donner aussi cette impression de un peu moins de stabilité, obligé de le serrer un peu plus que le premier. Alors je t'avoue, pour tout te dire, franchement, moi c'est depuis avant-hier, donc on enregistre, on est jeudi, c'est depuis avant-hier que j'ai appris à positionner comme il faut le PSVR 2. C'est-à-dire qu'avant, vraiment, voilà, moi j'ai un Rift S et puis le PSVR, j'ai l'habitude, justement, comme tu disais, de l'arceau à l'arrière, de le mettre, on va dire, au milieu du crâne, voire même partie supérieure. celui-là, faut vraiment le mettre au milieu de ta nuque, derrière, très ouais, très ouais, bas. Il faut vraiment, pour que ça fonctionne. Faut vraiment descendre le plus bas possible. C'est vraiment un coup de main à prendre. Et là, tu te rends compte que justement, après, tout ce qui est frontal, justement, se positionne beaucoup mieux, te fait moins de marques. Et surtout est beaucoup plus confortable et le rééquilibrage justement du casque se fait beaucoup mieux. C'est un coup de main à prendre, vraiment. J'ai fait 2h30 de Demeo il y a 2 ou 3 jours. Mmh. J'avais pas de marque. Ouais. Quand on a fait la preview avec les copains du Discord de Gran Turismo 7, à la fin de la session, j'en pouvais plus. J'avais un mal de crâne et on a enregistré uniquement pendant quoi, une heure et demie, un truc comme ça. Mais j'en pouvais plus, vraiment, céphalé quoi, vraiment c'était vraiment pas agréable. J'ai dû virer le casque pour faire une pause parce que j'en pouvais plus. Et puis le jour d'après, le lendemain, je l'ai mis un petit peu plus comme il faut et j'ai réussi à jouer pendant 3 heures d'affilée sans aucun problème. Donc vraiment c'est très très important, mais j'ai l'impression par contre que, comme je te disais, hein, c'est vraiment un point faible et ça rend pour les nouveaux utilisateurs ou pour ceux qui ont eu l'habitude en tout cas du PSVR, c'est pas quelque chose qui est facile d'accès, justement ce nouveau positionnement et ce nouvel équilibrage du casque quoi, c'est quelque chose justement qui va peut-être désarçonner et je pense aussi qui provoque un petit peu l'incompréhension et les problèmes de réglage, de flou, etc. des gens qui viennent de l'avoir quoi, comme nous hein. Parce que clairement ça fait c'est bizarre possible. Quoi, clairement ça fait bizarre. Laurent, je sais pas ce que t'en penses. Alors, niveau confort, je suis d'accord avec vous, il est moins confortable que le PSVR, ça c'est sûr. Bon, l'avantage c'est qu'on perdra pas toutes les petites miettes noires qu'on sèmera de partout. Ça, on en reparle dans 2-3 ans. Hein. Exactement. Oh là, non, c'est un bloc de silicone, il y aura pas de surcouche, comme il y avait avant, il y avait la mousse, et puis il y avait en plus du plastique par-dessus, et c'est ce plastique-là qui se barrait. Tu sais que tu disais la même chose du Rift S, quand je t'avais montré le Rift S, on disait la même chose du Rift S. Je peux te dire que la mousse, elle se barre aussi. C'est de la mousse? Non, c'est de la mousse avec un textile. C'est un espèce de tissu, là, un tissu avec une mousse derrière. Oui, non, mais là, c'est une pièce en silicone moulée, en fait. Donc, c'est un seul bloc de plastique et ça partira pas. Donc, ça va faire des crevasses, alors? Ça va faire des crevasses? Non, j'attends les parties à 35 degrés en plein été et je pense qu'on va souffrir. Un petit piston whip, peut-être. Alors, non. Voilà. Non? Ben non, justement, je me suis fait la remarque. Je sens le ventilo, moi. Au niveau des yeux et tout ça, je sens le petit filet d'air qui passe. Et oui, mais le filet d'air, tu le sens dans les yeux ou sur ton nez ou. Mais là, sur le front, en contact collé avec le silicone. Oui, mais là, ça on va rafraîchir le reste de ton visage. Là, on va être rouge, tu vas voir. Donc il y a ça, et puis après par contre c'est vrai que tu te mets à la place de, parce qu'il y a, on va dire qu'il y a trois types de personnes qui ont acheté le PSVR 2. Le premier type de personnes, c'est des gens qui n'ont jamais essayé de casque VR de leur vie ou qui en ont essayé chez des copains mais qui n'ont jamais eu de casque VR de leur vie. Deuxième type de personnes, c'est les joueurs PSVR qui connaissaient le PSVR et qui ont acheté naturellement le PSVR 2 parce qu'ils étaient déjà passés par là. Troisième type, c'est ceux qui connaissaient la VR en PC et qui connaissent d'autres casques sur PC et qui arrivent sur le PSVR 2. Et tu te mets à la place de ceux qui, on en a sur le Discord, hein, qui c'est leur premier casque, tu les lâches un petit peu comme ça, allez hop, débrouille-toi, t'as reçu ton casque, maintenant tu te débrouilles pour le mettre sur la tête, et il n'y a pas tant d'explications que ça. C'est illustré quand même. Le positionnement du casque, c'est illustré, hein. Mais... par exemple, sur le PSVR, c'était des animations. Donc, tu voyais que tu ouvrais le truc, tu le mettais, tu voyais bien glisser le truc pour dire comment le placer. Là, tu as des photos. Ah non ! Tu as des petites animations. Si, tu as des petites animations. Mais ouais. Je me dis au début, bah déjà, nous, on est habitué au PSVR, on est habitué au casque. Déjà, les premiers jours, on s'est planté. Alors, quelqu'un qui en a jamais mis, est-ce qu'il va le mettre correctement ? C'est parce qu'on est un peu con aussi. Eh bien, justement, peut-être que comme il en a jamais mis, il sera plus attentif à la manière de le mettre que nous, on l'a été. Parce probablement, qu'on avait l'habitude aussi. Exactement, c'est ça. Oui, peut-être. Moi, franchement, le PSVR 2, je l'ai mis comme un PSVR 1 au départ. Et c'est pour ça que bah, ça n'allait pas, quoi. Ah bah là, oui, pareil, au début, j'ai fait pareil. Hein. Mais en fait, le PSVR 1, moi, je le portais comme ça. Je mettais le truc derrière la nuque. Je mettais toujours le plus bas possible. Mmh. Donc ça m'a pas plus choqué que ça. Mais niveau confort, globalement, j'ai l'impression qu'il appuie plus derrière la tête ou je sais pas. il me semble moins confortable que le premier. Mmh. Après, avec le temps, ça va peut-être... Ça a peut-être changé. Hein, mais... Moi, je t'avoue, c'était ma première impression, et puis je m'y suis fait au fur et à mesure. Maintenant, enfin voilà, j'enchaîne les heures, il n'y a pas de problème. Même au niveau de la transpiration, j'ai l'impression de rien que le fait de mieux le positionner, justement, c'est plus agréable. Je dis ça, mais j'ai enchaîné les 5 heures sur Horizon, et puis je me suis arrêté parce qu'il était trop tard, quoi. Voilà. Donc, c'était pas à cause du. J'avais plus mal. Hein. Ah non, j'avais plus mal. Hein. C'est comme une nouvelle paire de lunettes ou des pompes, faut s'y faire, quoi. Tout simplement. Mais voilà, il n'y avait pas ce temps d'adaptation sur le premier PSVR, quoi. Le premier PSVR, tu le foutais sur le crâne, t'étais bien dedans, quoi. Direct. Donc voilà, une petite partie. De toute façon, je crois que sur tous les casques, l'ensemble des casques VR, le PSVR faisait partie des plus confortables. Toutes marques confondues. C'était le plus confortable. Ouais. Je pense que le premier PSVR aussi, t'avais pas trop de. C'était pas la priorité en fait. T'étais plus concentré sur le fait de pas avoir le motion sickness que sur le confort du casque en lui-même, à mon avis, quand il est arrivé aussi. C'est pas les mêmes. Il faut dire aussi que c'est pas les mêmes attentes, on va dire, et les mêmes priorités de points que tu vas regarder quand tu as le casque. Enfin, aujourd'hui. On est vachement plus pointilleux que quand on l'a eu en 2016 la première fois. On a appris en fait à évoluer avec les enfin disons que ces problèmes à la base, on a appris à vivre avec en gros et on s'est servi de ça en guise de base pour dire bon ben la VR de 2016 c'est ça. Du coup la VR de 2022 arrive et puis avec tout ce qu'on nous annonçait ça devait être ça quoi. Voilà. Donc moi je le vois aussi mais plus comme ça dans les attentes et l'analyse qui est faite de ce PSVR 2. Vu que le PSVR était le casque le plus confortable, tout casque confondu, le fait de dire que le PSVR 2 est un peu moins confortable que le PSVR, c'est dire qu'il est quand même dans le haut du panier. Parce que le PSVR était vraiment très bien, quoi. Ah, il n'est pas juste en dessous, hein. Je trouve que le Rift S est plus confortable que le PSVR 2. Oui, mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont moins confortables aussi. Après, c'est une question aussi de ressenti. Hein. Je veux dire, on n'a pas tous la même forme de crâne, on n'a pas tous les yeux positionnés la même façon sur le front. Voilà, donc c'est un petit peu au ressenti de chacun. Et c'est vrai que si, comme tu le disais tout à l'heure, Majo, il y a quand même aussi la problématique du motion sickness qui devait en tout cas être bien effacée sur le PSVR 2. Et on a quand même pas mal de nouveaux arrivants dans la VR sur le Discord qui nous disent quand même ressentir encore... Merci le marketing. Oui, et pourquoi parce qu'on nous parlait et nous promettait du 120 Hz dans le casque en gestion de framerate. Sauf que maintenant qu'on l'a et qu'on peut regarder, en fait, le 120 Hz, oui, mais... c'est possible de l'avoir, mais c'est pas automatique. À quel prix, quoi. Et c'est essentiellement ce qui s'appelle de la reprojection en fait. Donc c'est du dédoublement d'images en fait qui sont collées les unes derrière les autres. Alors pour ceux qui connaissent le DLSS, le VRR et compagnie, c'est le même principe. Sauf que ça marche relativement moyen en fonction des jeux et en fonction des distances où tu regardes quoi. Et je prendrais un jeu comme Kayak VR, où c'est celui qui m'a le plus choqué, où quand tu es, je crois que c'est l'Antarctique, non, c'est pas l'Antarctique, non, c'est au Costa Rica, où tu es quasiment en plein milieu de la mer, quoi, et t'as une espèce d'île, en fait, avec 4 palmiers, et puis quand tu tournes la tête, t'en as 8. Mmh. Et en fait, tu vois ce dédoublement de l'image, en fait, qui suit ta tête, et qui, en plus, même quand tu t'arrêtes, a un petit temps de latence avant de disparaître. Et ça, du coup, ça gêne un peu quand même, et puis ça provoque, une vision saccadée en fait, et puis c'est pas agréable et c'est pas confortable visuellement pour pallier justement à ces problèmes de motion sickness. Et j'ai un peu le même souci dans Horizon, ouais. Avec la rotation. La rotation, elle est hardcore. La rotation au stick, elle est un peu lente, et puis surtout, elle fait, malgré qu'elle soit censée être fluide, elle fait quand même légèrement saccadée, quoi. Et ça, c'est dû à la reprojection. Mais donc, c'est pas dû au casque en lui-même, hein. C'est vraiment dû à la PS5, je pense, en tout cas, à un problème d'optimisation. C'est la techno, ouais. Problème d'optimisation. C'est dû au soft qui doit être mis à jour. Mm. Donc est-ce qu'il ne vaudrait pas un bon vieux 60 Hz ou 90 Hz en fonction des jeux et avoir moins cet effet de reprojection Mais je ne suis même pas certain qu'on soit à 120 Hz sur des jeux comme Horizon. Hein. À mon avis, on est à 90 avec la reprojection. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des chutes de framerate en plus quand tu es dans la base. Hein. Oui, mais alors, ce qui concerne les rotations, apparemment, c'est sur tous les jeux. Hein. Il n'y a pas d'exception là-dessus. Ah oui, oui. Parce que même sur Cosmonius High, c'est pareil. Quand tu tournes, tu sens que ça, il y a des crans, quoi. Non. Donc, moi, j'ai fait Song in the Smoke, tu le sens pas du tout. Hein. Song in the Smoke, c'est un des jeux les plus nets que j'ai vu. Ouais, mais il a d'autres bugs, fait, par là, contre. Sur... Hein? Oui, il a d'autres bugs. Mais en parlant que de ça, en tout cas, de cette reprojection, voilà, c'est un J'en ai pas vu. Du moins, moi, quand je l'ai essayé, j'en ai pas eu. Ah bah putain, moi, au début, là, quand je les ai tous essayés, putain, j'en ai vu un peu de partout, en fait. Mais bon. Un par un, déjà, justement, ce souci de reprojection, il y a quand même certains jeux qui sont beaucoup moins gourmands, qui n'ont pas ce problème-là. Et certains, clairement, tous les gros blockbusters, Resident 8, Kayak. Enfin, blockbuster. On va dire gros jeux gourmands graphiquement, Gran Turismo 7, Horizon, etc. ont ce souci qui reste un petit peu quand même emmerdant et qui peuvent provoquer aussi une certaine gêne pour les nouveaux utilisateurs parce que ça peut leur provoquer un petit peu des nausées et pour les anciens utilisateurs parce que bah, c'est un inconfort visuel qui est quand même un petit peu emmerdant. Vous inquiétez pas, on va dire du bien du PSVR 2 parce que c'est quand même un casque qu'on aime beaucoup. On commence vraiment par les trucs qui nous ont choqués en tout cas au départ et les trucs qui nous sautent à la gueule parce que on est quand même assez regardant techniquement sur ce genre de détails. Parce que voilà, soit on a déjà eu le PSVR, salut Laurent, on a déjà eu le PSVR, soit on a des casques, on a eu l'occasion donc de j'arrête jouer de toucher à cette manette. On a eu l'occasion de jouer sur PC ou alors sur Quest 2, et donc du coup voilà, c'est vraiment le genre de truc qui nous saute à la gueule et qu'on n'est pas les seuls à constater parce que ce sont des retours qui reviennent souvent justement sur les utilisateurs. Ben alors c'est surtout des retours qui reviennent souvent et puis maintenant. Mais c'est des retours qu'on n'a pas eu avant, quoi. Et moi, il y a des choses que j'ai du mal à comprendre, quand même. Quand on entend dire que c'est la même chose qu'un jeu plat, ou enfin que le jeu traditionnel, ou que comment dire, enfin c'est ouais, on va dire c'est net, c'est une image limpide, c'est oui, quand t'as les yeux collés devant, ok, mais mais ça n'a rien à voir avec la définition d'un écran traditionnel ou enfin. On a quand même essayé Là, il faut être bête pour croire ça, quand même. Non. Moi, j'y ai cru. On nous l'a vendu comme ça, Laurent. Même sur le papier, t'as des specs de fou. Enfin, qu'on me dise que l'image 4K d'un casque VR, ça sera comme une télé 4K, déjà, c'est faux à la base, parce que un casque 4K, c'est un casque 2K. Un casque 8K, c'est un casque 4K. Un 16K, ce serait 8K. Donc déjà, ok, mais enfin voilà. Avec une résolution qui est 4 fois supérieure à celle du premier, et puis ce que t'as entendu dire un peu partout, moi j'ai quand même du mal à accepter de retrouver des effets que j'avais dans mon premier PSVR, quoi. Donc je trouve qu'il y a eu un gros manque d'objectivité, et c'est pour ça qu'on met en avant en premier justement ce qui va pas, parce que je trouve qu'il y a quand même eu un gros manque d'objectivité sur tous ceux qui l'ont eu. Avant la sortie, quoi. Enfin, ou alors c'était des gens qui connaissaient rien et qui avaient jamais fait de VR hormis le PSVR, parce que finalement, le seul qui avait raison, c'était Cyril Drevet. Finalement, faut rendre à César. Pas vraiment. César. Pas vraiment. Bon, enfin bon, c'est encore un autre débat, mais. Enfin, bref. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous l'a vendu comme, et d'ailleurs, il y en a certains qui nous le vendent encore comme le meilleur casque VR du marché. Pour en avoir essayé d'autres, malheureusement, non. Enfin, oui, il a des lacunes, des grosses lacunes que tu retrouves pas sur d'autres et qui sont peut-être prioritaires, on va dire, par rapport à d'autres qualités qu'il a, en fait. Bah non, justement. Là, c'est là où je suis pas d'accord. C'est qu'elles sont pas prioritaires parce que là, t'es en train de parler du Pico 4 qui est beaucoup plus net et c'est sûr que le Pico 4 aura une plus belle image, plus fine. Alors au niveau définition, on va dire bon, le Pico 4 est légèrement plus élevé que le PSVR 2, mais à ces niveaux-là, ça se tient. Au niveau de l'écran, on va dire que c'est à peu près pareil. Mais c'est vrai que le Pico 4, il est équipé de lentilles pancake, oui. Déjà qui augmente la taille du sweet spot, la zone nette. Et du coup, c'est vrai que tout est plus fin, tout est plus net. Maintenant, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a reçu un casque dans un carton qu'on vient de déballer, qui s'appelle le PSVR 2. On l'adore, mais en fait, la réaction qu'on a, c'est ben mince, un casque moins cher et plus net. Alors qu'il a d'autres lentilles qui justement lui permettent d'être plus net, parce que c'est ces lentilles-là qui font que aussi l'écran derrière, il est 75% plus lumineux que celui d'un Quest pour pouvoir traverser ces lentilles. Et c'est pour ça aussi que le Pico 4, il a une batterie de 5300 mAh et que le Quest 2, il a une batterie de 3640 mAh et que malgré tout, ces deux casques, ils tiennent 2h30 tous les deux. Alors qu'il y en a un qui a une batterie quasiment deux fois plus grosse. Donc, le souci, c'est qu'on a notre PSVR qu'on vient de déballer, et on se dit, la réaction qu'on a, c'est mince, il est moins net qu'un casque qui coûte 430 €, ce qui est vrai quand tu dis ça. Par contre, le souci maintenant, c'est ok, on enlève les Fresnels du PSVR 2 et on met les pancakes. Déjà, augmentation du prix. Après, on est obligé de changer l'écran, parce que l'écran qui est intégré en OLED, là, il traversera pas, il sera terne avec des pancakes. Donc, il faut un écran qui est bien plus puissant, qui est bien plus lumineux. Et du coup, tu augmentes encore le prix. Après coup, tu viens dire aux joueurs PlayStation... Attends, il est lumineux, écoutez, hein. Oui, il est quand même bien lumineux. Qui c'est qui est lumineux? Ben l'écran du PSVR 2, il arrache les yeux quand t'es en lumineux. Oui, mais il sera pas suffisant pour traverser trois couches de lentilles. Ce que je veux dire, c'est que peut-être tu peux compenser avec un degré en dessous. Enfin, c'est pas vraiment. Oui, mais le souci, c'est que si après coup tu dis aux joueurs, bah, écoutez, le PSVR 2, il vaut 750 balles ou 800 balles. Du coup, ça passera pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La seule solution, c'est de supprimer l'eye tracking et le rendu faux VL. Et la question, c'est est-ce que Horizon tournerait sans rendu faux VL? Donc, après, si c'est pour avoir un casque plus net, pour avoir des jeux plus pourris, j'en veux pas, en fait. Clairement pas, mais bon, est-ce que ça vaut le coup et d'avoir de la reprojection en outrance qui, au final, rend les jeux pas qualitatifs? Sur des jeux qui tournent sur de l'autonome, enfin tu vois ce que je veux dire, il y a deux poids, deux mesures, et c'est là où je reviens je voulais parler de Song in the Smoke tout à l'heure et je voulais rajouter un truc. Dans Song in the Smoke, tu as plusieurs modes de jeu, tu as un mode performance et un mode qualité. Oui, donc, comme sur les jeux plats, en fait. Et c'est ça, peut-être, justement, ce qu'il faudrait pouvoir proposer. On est dans l'univers de la console, mais dans la VR aujourd'hui, on le connaît pas vraiment. Enfin, ça vient d'arriver dans l'univers console, mais dans la VR, pour l'instant, on connaît pas vraiment ça. Enfin, hormis sur PC. Mais est-ce que ça serait pas ça, finalement, la solution pour arriver à satisfaire chacun? Carrément. Parce que, on peut parler aujourd'hui de ce qui se passe sur le Discord et sur notre Discord à nous de VR4Player, c'est que il y a de tout, en fait. Il y a des gens qui en sont très contents, il y a des gens qui n'en sont pas contents, il y a des gens qui trouvent que c'est flou, il y en a d'autres qui disent que ça n'a jamais été aussi net, en fait, et tous les avis sont différents. Et donc finalement, est-ce que ça serait pas ça vraiment la solution? Parce que l'attente est différente, et comme tu dis, en fonction de qui a acheté ce PSVR et d'où vient la personne qui a acheté ce PSVR, l'attente sera différente. Je suis complètement d'accord. Est-ce que ça serait pas ça la vraie solution? Ça serait de proposer en fait des expériences différentes en fonction de ce qu'attend chacun, donc un jeu plus net, un jeu plus détaillé, un jeu plus fluide. Plus fluide. Ouais. Voilà, et de manière à pouvoir satisfaire chacun, parce que la console peut se le permettre, et bon, je dis, il y a des jeux comme Song in the Smoke qui n'est certes pas à la hauteur d'un Horizon, mais qui a quand même une belle amélioration quand même par rapport à sa version PSVR, et encore plus par rapport à la version autonome, donc je pense qu'il y a moyen, et en plus tu le vois, c'est-à-dire que quand t'es dans le menu, quand tu choisis, donc entre deux versions, tu vois au fond, en arrière-plan, que tu as des arbres qui disparaissent, en fait. Donc tu vois, tu comprends du coup que va y avoir moins de végétation, moins de texture, moins de ce délire-là. Donc je pense que il y a vraiment ce côté sur lequel il va falloir insister pour les développeurs, parce que tu parlais aussi des bugs tout à l'heure, et ça fait partie des gros problèmes pour moi, c'est l'optimisation des jeux. Alors je parlerai pas des jeux PlayStation Studio parce que je trouve que Gran Turismo, malgré ce flou au loin, et je pense que là encore c'est pas dû au jeu, c'est plus dû à la dalle et à la densité de pixels qu'il y a sur l'écran. C'est et un flou comme... relatif hein, quand même hein, non, pour non, avoir non, essayé après des dalle. Jeux. Pour avoir bah, essayé des jeux sur PC, c'est vraiment un flou très très relatif. Hein. Franchement, pour moi, c'est ça, parce que quand tu vois l'arbre qui est avec des contours carrés, enfin, je me dis que ben il y a pas assez de densité de pixels en fait pour afficher des si petits détails de l'arbre. Donc ah, mais tu veux dire ça... au loin quand oui ah mais pour moi Gran Turismo c'est le flou loin, uniquement au loin. Le flou au loin, c'est propre au jeu de bagnole déjà, mais ça oui. De toute façon, c'est mathématique. Hein. Plus un objet est loin, plus il est petit. Plus il est petit, moins il a de pixels pour le définir. Voilà. Et plus ça va faire ça... des escaliers. Et plus, voilà. C'est pour ça que je parlerai pas. Même Horizon, moi, ça m'a pas choqué. Mmh. Je trouve qu'il est très net de partout. Enfin, c'est vraiment pas les jeux qui m'ont choqué. C'est les jeux PlayStation Studio. Mais ça va plus être les autres, en fait. Les No Man's Sky. Ou alors qu'est-ce que j'ai même mais c'est même plus lié au Resident Evil. C'est plus lié au software qu'au hardware en fait ça hein. Vraiment, ouais mais c'est ça l'optimisation, ou Moss où on parle de du sol où Rocco qui a fait les previews, on parle aussi, du sol qui bouge là aussi il faut bien définir parce que quand on dit qu'un jeu est flou il y a trois façons de voir le jeu flou. Il y a la première façon c'est le jeu est flou dans sa globalité. Non, le jeu est flou dans sa globalité. Pourquoi ? Parce que l'image qui est envoyée, elle n'est pas à la résolution des écrans, elle est plus petite et elle est upscalée. Donc là, l'image sera plus floue. Ça, c'est l'échelle, la première façon. L'échelle de résolution. Voilà. La deuxième façon de voir le flou, c'est forcément dans un jeu de bagnole, où là, tu vas avoir l'arrière-plan qui va être flou, et dans Horizon, l'arrière-plan sera flou aussi. Sauf que la différence, c'est que dans un jeu d'aventure, tu es concentré sur le premier plan, sur ce que tu fais. Et l'arrière-plan, bah, il est flou, tu t'en fous. Alors que dans un jeu de voiture, c'est l'inverse. Ce qu'il faudrait, c'est que l'intérieur de l'habitacle de la voiture soit flou et que la route soit super nette. Et ça, c'est pas possible parce que plus un objet est loin, et ben moins t'as de pixels et plus tu seras flou. Et après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme troisième façon de flou ? Je m'en souviens plus. Mais ça va le foutre son casque sur sa tête. Ah bah oui, bah ça c'en est ah ouais, une autre. Parce que je pense que sur pas loin de 40-50% justement des retours négatifs qu'on a sur le flou du PSVR 2. Ou des lentilles sales, des lunettes sales. Ça vient un peu de ça justement. Des gens peut-être qui le mettent pas correctement, qui n'ont pas encore trouvé la bonne position. Parce que je peux te garantir que moi, mes premières expériences sur le PSVR 2 ne sont pas les mêmes que celles que j'ai maintenant, en une semaine de temps. C'est-à-dire que maintenant, j'ai vraiment appris à le mettre comme il faut, à régler justement la petite molette pour l'écart interpupillaire. Et voilà, ce n'est plus la même chose. Le sweet spot, maintenant, je l'ai vraiment... Je dois le recaler un petit peu de temps en temps après une demi-heure de jeu pour me remettre un petit peu dessus. Après, à force de bouger la tête dans tous les sens aussi, faut bien penser pendant tes sessions de jeu, ton casque, même si tu le ressens pas, il va tomber un petit peu sur ton visage. Faut le remonter un tout petit peu de temps en temps, le de recaler temps en temps, le resserrer ou le desserrer selon le confort que tu souhaites. Faut y penser un petit peu à ça. Le jeu va des fois te paraître flou. En fait, c'est juste qu'il faut le remonter un tout petit peu. C'est comme des lunettes, en fait. Donc, c'est assez relatif. Quoi. Ah oui, et puis les gens qui portent des lunettes, en plus, ils ont deux fois plus de risque d'avoir soit les lunettes avec une trace de doigt, soit la lentille avec une trace de doigt aussi. Vraiment donc, avant de commencer, déjà, avant de commencer, ce qui est bien, PlayStation, ils préconisent de nettoyer les lentilles à sec, surtout pas de faire de pchipchi, toutes choses comme ça dessus. D'ailleurs, très important, très important. C'est un crayon carbone. Très important, c'est la petite lingette sèche justement pour les lunettes qu'on peut trouver. Arrêtez de mettre des produits sur vos lentilles. Hein. Vraiment, c'est pas bon. Hein. Ça enlève tout le revêtement. Ça abîme le verre. Faut surtout pas faire ça. Et c'est quoi donc, ce truc qui est que pas mal c'est un sextoy. Ça c'est les crayons carbone. Donc c'est un petit stylo. Que tu ouvres comme ça, que tu trouves. Dessus, là, il y a un petit coussinet qui est fait en carbone, et dessus, tu nettoies à sec tes lentilles, en fait. Mmh. Et c'est pour tout ce qui est optique, les microscopes, les choses comme ça. Tu trouves ça de partout. Hein. Puis derrière, tu as une petite. Une petite touque. Une petite merde. Une petite machine. Voilà. un petit pinceau. Un petit pinceau. Et déjà, tu commences à nettoyer tes lentilles avec ça, et puis tu finis avec une chiffonnette d'opticien, quoi. Les chiffonnettes que tu as dans tous les. Sèche, quoi. Ouais. Donc ça, déjà, déjà avec ça, t'arrives à partir déjà sur une bonne base. Après, faut bien mettre son casque. Pas de produit, Non, mais juste parce qu'il y a quand même pas mal d'échanges aussi là-dessus sur le Discord. Pas de produit sur les lentilles. Et au pire du pire, si vraiment vous avez, on sait pas, hein, tu sors d'une conjonctivite, tu mets ton casque, t'as une petite croûte d'œil qui reste collée sur ta lentille. Le meilleur solvant au monde, c'est l'eau. C'est pas l'alcool, c'est pas tout ça, c'est uniquement la flotte. Tu prends un petit chiffon. Non, le meilleur dissolvant au monde, c'est l'eau. Tu prends un petit chiffon, tu l'humidifies légèrement, ça suffit largement pour nettoyer n'importe quoi sur une lentille. Mais vraiment très légèrement. Et après, tu le nettoies après à sec, avec un petit chiffon sec, et voilà. Mais pas de produit, quoi. Ça sert à rien. Les trucs vus, tout ça, pour les lunettes, c'est vraiment de la merde. Donc vraiment, faut pas mettre ces trucs-là. Voilà. Donc c'était mon coup de gueule. Voilà. Merci. Non, c'est même pas un coup de gueule, c'est une information. J'entends tellement n'importe quoi importante. Et j'ai tellement niqué des lunettes avec ces produits de merde que voilà, faut faire vraiment. Et ben encore cet après-midi, il y en avait qui dit, je sais plus ce qu'il racontait. Alors c'était pas sur le Discord, je crois que c'était sur Twitter où on a reçu un message qui demandait avec quoi nettoyer. Et ben bien sûr, il y avait sopalin, bref vitre. On évite parce que vous allez le rayer s'il suffit qu'il y ait une saleté. Il y en avait qui posaient des questions avec les petites lingettes vues qu'on trouve dans le commerce pour les lunettes. Ça, c'est de la saloperie, ça. Voilà, c'est pareil. Faut pas le prendre, ça. S'il y a une poussière qui se glisse entre les deux, sinon, vous avez la petite partie verte de l'éponge, justement, avec ça, normalement, grattoir. Ça récure bien les morceaux. Circulaire, toujours circulaire, et c'est bon, là. Le godret, là, il va être parfait. Et l'avantage, c'est qu'après, vous voyez plus l'effet Murat avec ça. Ah non, tu vois plus rien, là. Ah ouais, tu vois plus rien. Au moins, comme ça, c'est réglé. C'est la petite astuce vers Fort Player, tu vois. Mais pour en revenir, disons qu'il y a plusieurs façons de voir les flous. Et en admettant que le jeu soit flou, parce qu'on connaissait ça, hein. Je sais pas si vous vous rappelez de... C'était lequel le jeu de Sian. Je sais plus son nom, Obduction. Obduction. Qui revient souvent celui-là. Qui balançait du 720p, je crois. Donc les types, alors bien sûr le marketing, ils vont te dire ouais, ils tournent à 60 ou 80 ou 90 fps, mais s'ils te balancent du 720p, à quoi ça sert? Autant rediminuer le framerate et avoir une image plus nette. Mais c'est ce que disait tout à l'heure Major, en fait, justement, tu baisses l'échelle de résolution, t'as peut-être un jeu qui est un peu moins gourmand, mais par contre, il est beaucoup plus fluide et donc du coup. La fluidité, en fait, justement, c'est ce qui va te permettre dans les mouvements d'avoir plus de détails. Donc, je pense pour moi, c'est toujours fluidité avant la résolution. Le souci, c'est que... Ça, c'est en admettant que le fait que... Parce que ce qui est marrant, c'est par exemple sur un jeu comme Horizon, quand tu te déplaces, le jeu est fluide. Par contre, dès que tu te tapes une rotation, rotation avec le stick, c'est là que tu vois qu'il y a des problèmes. Mais ce qui est fou, c'est que tu vois la rotation au stick, t'as de la saccade... Et t'as des traînées, et la rotation à la tête, au mouvement de tête, tu l'as pas. C'est ce qui me fait dire qu'il y a des mises à jour à faire. Et ce que les gens oublient aussi, c'est que le PSVR 2, c'est un nouveau-né qui est en version 1.0, et que par exemple le Quest 2, il en est à sa 50e mise à jour. 52, donc, tu m'avais dit, ouais. Je crois que la 50e, elle était il y a quelques jours, il y a une semaine, d'accord. Il me semble. Ok. Ouais. Donc, attention, le Quest 2, il est autonome, donc il a sa 50e mise à jour, mais il a sa 50e mise à jour aussi parce qu'il y a les développements internes du software et des différentes applis que tu peux avoir, quoi. C'est pas tout à fait la même chose non plus. Mais même s'il en avait 10, quand il est passé de 90 Hz à 120 Hz, il y a eu des améliorations forcément. Et si tu vas sur des forums de Meta ou de Quest ou de Oculus, il y a eu des gens qui se sont dit putain, mon Quest il est flou, mon Quest il y a trop de Halo, ou il y a trop de Godray, ou il y a trop de ça, ou il y a trop de ci. Et il y a eu des petits correctifs qui sont arrivés parce que bien sûr, le casque il a déjà 2 ans, 3 ans, bientôt 3 ans de vie. Donc, il y a des choses qui sont redondantes, et puis le casque qui vient d'arriver, à mon avis, il y a pas mal de j'avais fait un article il y a peut-être 2-3 mois de ça, même une vidéo, un dossier vidéo qui expliquait que de février à septembre, Ce serait pas un vrai lancement pour nous, que le vrai lancement serait en septembre avec peut-être d'autres jeux pour profiter de la période de Noël, et que cette période-là, ce serait un peu une période de bêta-testeurs. Eh ben, on est en plein dedans, à mon avis. On est des bêta-testeurs. Si, admettons, ils avaient prévu 2 millions de PSVR 2 et qu'ils en ont vendu pour la France, allez, on va dire un petit chiffre, on va dire qu'ils en ont vendu 10 000 PSVR 2 en France ou 15 000 PSVR 2 en France pour l'instant. Ça veut dire qu'on est 15 ou 20 000 joueurs sur lesquels ils vont analyser nos rendus, ils vont analyser nos bugs, ils vont essayer d'améliorer le casque avec tout ça, avec tout ce qu'on dit aussi. Et c'est pas impossible. Sur le PSVR, on a eu des sacrées améliorations en fonction des mises à jour, parce qu'au début c'était pas du tout. On peut parler de No Man's Sky. Hein. La première fois que j'ai mis No Man's Sky sur les yeux sur un PSVR, je l'ai enlevé, j'ai dit mais c'est quoi cette merde. Et là j'ai un peu la même impression sur le PSVR 2. C'est plus net que la première fois sur PSVR, mais et petit à petit, il y a eu une version PS4 Pro, il y a eu des patchs qui ont permis de le rendre plus fluide, il y a eu des améliorations et de la part de Hello Games, mais aussi des mises à jour de la PS4 qui ont aussi modifié le soft interne du PSVR. Donc là, c'est sûr qu'on se prend ça, on démarre avec un casque tout nouveau, hein, c'est un nouveau-né, un bébé-né. Et puis là, pour l'instant, il y a quand même un paquet de choses qui sont bizarres et qui peuvent pas rester comme ça. On parle des bugs de chaque jeu, mais à mon avis, il y a aussi des soucis. Moi, par exemple, le truc tout simple, tout à l'heure, on parlait que ta première impression quand tu as démarré le casque. En réalité, le premier truc qu'on a fait, c'est quand il faut délimiter la zone de jeu. Donc j'étais bien content, je délimite ma zone de jeu et je pousse le truc pour bien avoir toute ma pièce. Et puis après je m'aperçois, je dis ah mais mince, d'habitude là je mets un tabouret, donc il va falloir que je corrige ma zone de jeu. Et là quand j'ai voulu retourner dans la zone de jeu pour la corriger, le truc, poum, le casque s'éteint, je me suis retrouvé sur la PS5, plantage. Là j'envoie une notification à PlayStation pour leur dire que j'ai planté. Je relance et j'ai fait ça 10 fois et à chaque fois je n'arrivais pas à redémarrer, j'ai planté 10 fois. Et il a fallu que je supprime en fait ma zone de jeu enregistrée pour pouvoir en enregistrer une nouvelle. Donc des petits bugs comme ça, à mon avis, il y en a des tonnes. Alors, je vous parle même pas, même. Ça, c'est un bug que tu as eu, mais je pense justement c'est parce que c'est une feature justement de pouvoir faire ton guardian, on va dire, c'est-à-dire que ta zone de jeu et que le casque puisse enregistrer justement la zone. Par exemple, si la première fois que je l'ai mis, j'avais mes gosses autour de moi sur le canapé, ça a scanné mes gosses, quoi. Toi, et donc du coup bah dès qu'ils bougent forcément ça perd le tracking et ça perd la zone. Moi c'est un truc par contre que je retiens vraiment très positif sur le PSVR 2, c'est que dès que tu mets ton casque, dès que tu lances un jeu, ça va te rescanner en fait ta zone de jeu, que tu joues debout ou que tu joues assis. Si tu joues assis, ça va te créer un espèce de cône autour de toi qui a quoi 80 centimètres, ouais, 80 centimètres. Je vais dire un mètre de diamètre. Ouais, à peu près, voilà, autour de toi. Donc, ce qui est très bien. Moi, je joue beaucoup assis, donc du coup, j'utilise principalement ça. Et sinon, à chaque démarrage, même si c'est un petit peu chiant, et ben quand même, ça va te rescanner ta pièce. Et si tu joues debout, en fait, ça va te rescanner ta zone de jeu. Chose qui n'est pas faisable, moi, par exemple, sur mon Rift S. Ou alors, faut vraiment que je le fasse manuellement. Là, à chaque fois, ça va vraiment mettre en avant ton confort de jeu, ton confort d'utilisation. Et c'est un truc, je trouve, qui a été très très bien pensé, parce que c'est assez rapide à faire. C'est rapide à mettre en place. C'est assez fiable. À part les bugs que t'as eu, Laurent. Comme on disait, hein, c'est des bugs de tout début de matos, hein, donc voilà, ça peut arriver. Mais moi, je trouve ça vraiment très très bien, justement, par rapport au PSVR, où justement, bah, t'avais pas du tout ce genre de problématique-là, mais du coup, bah, c'était pas... C'était un peu plus compliqué, quoi. Bah, le tracking était pas le même. Voilà. Il était moins mis sur le... Enfin, c'était moins mis sur le motion gaming, puisque la zone de tracking, justement, était beaucoup plus limitée. T'étais quand même... C'était un cône. T'étais à 180 degrés. Alors, un cône partant de ta caméra. Plus de 360. C'est ça. Voilà. Mais après, enfin, là, ils ont quand même beaucoup plus mis l'accent avec cette histoire de Guardian sur le motion gaming et le fait de se déplacer dans un espace de 2 mètres sur 2 mètres. Mmh. Et d'ailleurs, What the Bat en est le parfait exemple, puisque si tu n'as pas cet espace nécessaire, tu ne peux pas jouer au jeu. Mmh. Tu ne peux pas y jouer assis et tu ne peux pas jouer debout, même si tu as une zone qui est inférieure à la zone minimum de 2 mètres par 2 mètres pour pouvoir faire du motion gaming. Mmh. Donc ça, je trouvais ça dommage, par contre. Mais pour le coup, comme tu dis, effectivement, le fait d'avoir cette possibilité de choisir, Ça, par contre, c'est un plus et que ça se dès mette, le départ. Et que ça se mette automatiquement, justement, si tu changes de 30 cm ta position de jeu d'une session à l'autre, ça va te refaire un scan, justement, de ton espace de jeu. Moi, j'ai trouvé ça bien. Moi, rien que le fait d'être à gauche ou à droite du canapé, bah, ça va me rescanner, en fait, le truc. Et je trouve ça super. Puisqu'on est là-dessus, on peut aussi parler des conditions de luminosité nécessaires pour jouer avec le casque. Où il faut de la lumière. Alors si vous étiez habitué à jouer dans le noir avec le PSVR 1 puisque c'était un tracking par LED lumineuse, aujourd'hui c'est fini, ça sera plus possible non plus. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? C'est chiant quand tu joues le soir. Moi je m'en t'es obligé fou. D'avoir moi, une lampe j'étais jamais dans le noir, mais bon, moi j'étais tout le temps dans le noir, hein. Moi aussi. Ouais. Donc pour le coup, c'est un peu un point faible, surtout qu'en plus la lumière est... enfin, il faut quand même une lumière assez vive. Le volet cabané, ça marche pas. Même s'il fait jour dehors. Donc, il va falloir que les volets soient ouverts et qu'il y ait pleine lumière de manière à ce que tout puisse être traqué. Parce que ça met, du coup... et ça, j'ai trouvé ça un peu... alors, c'est bien parce que c'est normal. Ça t'évite de perdre le tracking. Mais tu as énormément de messages d'erreur. Enfin, moi, du moins. Quand tu n'as plus assez de luminosité. Donc, c'est-à-dire que ça te sort du jeu. Ça te met le message devant l'écran en te mettant en mode transparence. Où tu vois à travers le casque et ça te dit vérifier les conditions lumineuses de votre environnement pour pouvoir jouer en fait. Et j'ai juste à relever la tête et de suite il récupère la lumière en fait. Malgré le fait que j'ai un plafonnier qui éclaire directement ou alors que j'ai la fenêtre ouverte qui est derrière moi. Mais tu t'éclaires à la bougie chez toi, non ? Non, en plus j'ai une ampoule en plus plein pot quoi, moi, j'ai rien par-dessus. Moi j'ai que dalle comme éclairage et je suis pas embêté avec ça. Donc, la dernière fois, je me posais la question parce que déjà mon ampoule elle est jaune, orange, et c'est quoi ? C'est des petites halogènes qui doivent faire, c'est des toutes petites ampoules comme ça quoi, la taille d'une balle de ping-pong, c'est suffisant, donc je comprends pas trop ça. Ouais. Et le jeu où ça me le fait le plus, alors je pense que c'est parce que la lumière vient de au-dessus de moi, et le jeu où ça me le fait le plus en fait c'est Demeo. Demeo, c'est un jeu où tu joues sur un plateau, donc forcément tu vas avoir souvent cette position-là. Et du coup, comme la lumière en fait est au-dessus de moi, je pense que ça cache. Ouais. Voilà, l'ambiance lumineuse quand je regarde au niveau de mes pieds, pour être sur mon plateau, déplacer mes pièces et tout ça. Et à mon avis, là du coup, je manque de lumière. Pourtant, j'ai le volet ouvert, je te dis, la lumière allumée, et malgré tout, ça. Ça casse un peu le truc, donc voilà, il faut avoir une pièce quand même qui soit bien éclairée et en fait qui éclaire bien la zone où les lentilles regardent pour le coup. Quatre spots de chaque côté, c'est bien. Ouais, super. Ça fait beaucoup de conditions. T'enlèves les modules de tracking pour les remplacer par des spots lumineux de chantier. J'essaierai sur Demeo, mais enfin pour l'instant, j'ai pas du tout rencontré ce problème-là. Et du coup, ce que je trouve dommage, très mal éclairé, quoi. Ce que je trouve dommage, c'est que pour ceux qui ont la caméra PS5, pourquoi ils n'ont pas mixé les deux trackings ? Pour pas privilégier justement ceux qui ont la caméra PS5 par rapport aux autres, quoi. Par contre, il y a un truc qui aide justement le tracking et le problème de rotation. Sur la télé, ouais. C'est sur la télé justement, t'as une option sur la PS5 qui permet de rajouter une espèce de bordure, une aide au tracking. Une aide au tracking, voilà, une bordure autour de ton écran qui reprojette justement sur ton écran plat ce que t'as sous le casque, qui te permet d'améliorer le tracking. Moi, j'ai pas eu à l'utiliser encore. Moi, j'ai une ampoule qui est juste au-dessus du salon. J'ai eu aucun décrochage, mais vraiment aucun. Ça m'emmerde juste de garder la lumière parce que moi j'avais l'habitude de rester en économie d'énergie, d'avoir juste une petite petite loupiote là qui est là, que j'utilise pour les podcasts pour éclairer toute la pièce. Là je suis obligé de garder la lampe, le plafonnier quoi. Donc c'est un peu emmerdant, mais en tout cas avec ce système là j'ai eu aucun décrochage ni quoi que ce soit. Mais vraie question, ton Rift Test, le tracking, il est similaire à celui du PSVR2. Oui. Et j'utilise. Les conditions lumineuses sont pas les mêmes. Et j'utilise uniquement la petite lampe qui est ici, et tout noir tout autour. Et ça fonctionne très très bien et j'ai jamais eu aucun souci. La lumière est plus proche, hein. C'est-à-dire que moi, le PSVR2, il est à 5 mètres par là-bas, tu vois. Ah oui. Donc c'est vraiment une zone beaucoup plus sombre, mais en tout cas mon Rift Test je l'utilise vraiment dans cette zone ici avec juste la petite luminosité là, ça suffit largement. J'ai quand même je suis pas trop technique, hein, mais j'ai quand même été étonné justement qu'il y ait besoin d'avoir cette lumière assez importante, assez vive. Rien que tu vois l'hiver, la nuit qui tombe assez rapidement, les fenêtres qui sont un petit peu loin dans la pièce, dès que t'as le jour qui commence à se coucher, ben forcément ça va provoquer des emmerdements pour les gens qui sont en train de jouer, qui sont sur une session, quoi. À un moment, ça va se décrocher et puis ils vont être obligés de retirer le casque, mettre la lumière, remettre le casque. Et voilà, quoi. Ouais, ou alors si t'as des enfants qui te font des blagues. La torgnole. Ouais, c'est la lumière. La torgnole. Voilà. Non, mais c'est vrai, mais c'est genre des petits détails, tu vois, mais c'est un peu embêtant, quoi. C'est dommage. Bon, bon, c'est comme ça. Hein. On s'y fait. Il n'y a pas non plus mort d'homme, hein, donc voilà. Ça n'empêche pas l'utilisation. Non, mais en ces périodes d'économie d'énergie, on se dit que. Eh, c'est ça. Et l'écologie, alors, qu'est-ce qu'on en fait? Hein, Monsieur Sony. Ouais, bah, l'écologie, s'il vous plaît, les batteries qui tiennent une heure et demie, l'écologie, c'est bon. Hein, faut mettre des batteries plus puissantes là, parce que ça va plus. Merci Laurent, super transition. Quelle du transition coup, incroyable. Sur, bah, justement, la durée de vie des sens. Alors, on a entendu un petit peu beaucoup d'échos. Ça dure longtemps, ça dure pas longtemps, ça dure une heure et demie, ça dure à peu près 25 heures. Et tout le monde a raison. C'est ça le pire. Alors voilà, combien ça dure? Alors moi, pour mon expérience personnelle, enfin, celui qui dit 25 heures. Il joue branché. C'est clair. Moi, pour mon expérience personnelle, donc voilà, j'ai les recharges officielles de chez Sony. Une heure et demie de recharge, ça me fait 4 heures. 4 heures et demie. Une heure et demie de recharge. Une heure et demie de recharge à vide. Tu les branches, au bout d'une heure et demie, c'est rechargé à 100%. Mais c'est plus rapide que ça, non? Alors, en tout cas, c'est. Je crois pas. Quand tu es à 0% de batterie, c'est 1 heure et demie. Moi, je les laisse 1 heure et demie. Quand, quoi quand qu'il en soit. Quand tu es à 0, c'est 1 heure et demie. Ouais. C'est ce qui est noté en tout cas sur la notice. Je les ai jamais laissé moins que ça. De toute façon, en général, je les laisse même un petit peu plus. Et je dure entre 4 heures et 4 heures et demie les deux sens. J'ai pas. Donc, franchement, pour les sessions que je fais, c'est-à-dire que je joue 2 heures, 3 heures, gros maximum, voire peut-être un peu plus de temps en temps, j'ai jamais été emmerdé justement sur l'autonomie des sens. Alors après, voilà, il y a certains qui ont expérimenté des durées de vie un peu plus basses. Je sais pas, toi, Laurent, toi, ton max, c'était quoi? 6h30. Sans recharger? Sans recharger. Chargé à 100%. Ne sortez pas surtout cette partie de l'émission de son contexte. 6h30, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Endurant, le petit Lolo, c'est bien. Et donc, j'ai attendu que mon premier sense coupe, et le deuxième a coupé à peu près un quart d'heure après. Donc, le deuxième a coupé à 6h30, le premier à 6h15. Et c'est ce soir-là, par contre, je précise bien, j'ai testé plein de jeux différents, de 10-15 minutes, jeu en jeu. Je ne suis pas resté sur un seul jeu. Et après, par contre, sur Horizon, Call of the Mountain, sur une session complète, donc Sense chargé à 100%, démarrer le jeu à zéro. La première session, j'ai tenu à peu près 4h45, 4h50 avec les deux. Voilà, sur Horizon. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand tu lances Cosmonius High, par exemple, c'est tout beau, c'est tout mignon, sauf qu'il y a un moment, ton environnement prend feu. C'est au tout début du jeu, hein, l'environnement prend feu. Et tant que le feu n'est pas éteint, tes deux sens sont à fond sur les moteurs haptiques. Une demi-heure donc de durée. Le machin vibre et ça n'arrête pas. Et tu te dis, est-ce que je vais réussir à éteindre le feu avant de plus avoir de batterie, quoi. Quand tu regardes un petit peu sur Twitter ou des choses comme ça, il y en a qui tiennent 2h30, 3h sur Resident Evil 8, qui utilisent les retours de force. Donc ça va être, je pense que tout le monde a raison. À mon avis, il y a certains jeux qui vont nous planter à 2h30, 3h, et puis d'autres qui vont arriver à nous faire tenir 5 ou 6 heures. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut rajouter une petite donnée technique à ça? La taille de la batterie de la DualSense, c'est 1500 mAh. La taille des... 1560 mAh. La taille de la batterie des VRSense, c'est 700 mAh chacun. Et la taille de la batterie des PS Move, c'était 800 mAh. Voilà. Non, PS Move, c'était 1350 mAh et Sense, c'est 520 mAh. Ah bah non, mais regarde sur l'étiquette derrière, Lolo, c'est pas ça. Ouais, mais iFixit ont démonté cette semaine le PSVR 2 et les Sense Controller. Ils ont sorti la batterie et ils ont indiqué 520 mAh. Moi je te parle de ce qui est affiché sur les étiquettes des produits, en tout cas quand tu prends ton Sense, c'est marqué 700 mAh sur le sur ton VRSense et 800 sur les Move que j'ai chez moi. Ce n'est pas le juste prix, l'intérêt de ce que dit Majo, c'est surtout que, les batteries sont plus grosses sur les Move que sur les Sense et qui est encore plus grosse sur la DualSense. Et c'est surtout que la DualSense, en fait, on sait déjà qu'elle se décharge vite parce que les retours haptiques, parce que les gâchettes selon les jeux. Et on se retrouve avec des VRSense qui ont la même techno, donc avec du coup la même contrainte, on va dire, technique. Et malgré tout, ben on a une batterie qui est plus petite que sur les trucs d'origine, quoi. Que sur les PS Move, pardon. C'est ça. Petite vérification de la part de Laurent. Alors, sur les Move. Là, c'est 800, c'est ça, hein? Bah, c'est ce qu'il a dit, Majo. Ah, mais attends, oui, c'est 800 milliampères. Moi, je te parle de milliampères heure. Ah, bah, moi, je te parle de la capacité de la batterie. Eh ben oui, mais oui, milliampères heure, c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes chiffres. C'est toi qui déforme ce que je dis, parce que j'ai bien parlé de milliampères. En milliampères, ouais, en milliampères heure, c'est pas pareil du coup. Alors, ce qui est étonnant, par contre, c'est que si les Sense ont une batterie minuscule, donc l'idée c'est ça, hein, c'est que les Sense ont une batterie minuscule par rapport aux autres, à la DualSense ou au PS Move. Dans mon cas où j'ai réussi à les faire tenir plus de 6 heures, tu te dis, du coup, les mécaniques qui sont dedans doivent moins consommer que ce qu'on avait aussi sur des PS Move. Parce que combien de temps on tenait avec des PS Move? Beaucoup plus longtemps. 8 heures? Ouais, on tenait quand même pas mal. 6 heures? Oh oui. Moi, j'étais capable de jouer 2 jours sans les charger. Hein. À raison de 12 heures par jour. En faisant des grosses, en faisant des grosses sessions, bien entendu. Non, c'est vrai qu'on les chargeait pas souvent. Bon, en tout cas, voilà, ça dépend vraiment des jeux, ça dépend de l'utilisation justement du retour haptique dans les jeux. Sur les points positifs aussi, je voulais quand même mettre en avant. Attends, parce qu'on était dans les points positifs là. Non, on essaye de on mélange. je voulais aussi parler un petit peu des retours haptiques du casque aussi, dont on a beaucoup entendu parler. Et que je trouve aussi particulièrement efficace dans certains cas, notamment sur Horizon, quand il y a des animaux ou des choses qui se passent et que tu te prends dans la gueule, l'avoir le petit retour du casque qui est pas forcément très violent, mais qui est quand même suffisamment présent pour te faire ressentir un petit peu des choses. Il surprend quand tu t'y attends pas des fois. Ouais, mais qui fonctionne bien. Sur Resident 8 aussi, ce qui m'a vraiment beaucoup plu et ce qui maintenant va vraiment manquer sur la version PC, c'est quand tu tires. Quand tu tires avec un fusil, par exemple, quand tu tires avec le fusil sniper ou avec le fusil à pompe, d'avoir la vibration justement du tir dans ton casque qui te donne une impression de recul, je trouve que ça marche vraiment super bien. T'as aussi les vibrations dans le casque qui sont dans des jeux comme Gran Turismo 7 aussi, qui apportent aussi une immersion supplémentaire, quoique j'ai trouvé ça plutôt bienvenu en tout cas, et je pense que c'est quelque chose qui va peut-être me manquer sur les autres casques que je vais utiliser. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que vous vous en foutez, je sais pas. Non. Bah, je t'avouerai que j'ai pas l'habitude, donc ça me surprend à chaque fois. Ouais, mais ça se surprend dans le bon côté ou dans le mauvais côté, genre putain, qu'est-ce qui me touche la tête, ou J'ai pas l'habitude, si tu veux, donc mon cerveau n'a pas encore assimilé que cette vibration était due à une action, si tu veux, dans le jeu ou. Dans Gran Turismo, par exemple, bon, bah, je prends jamais de mur, donc ça m'est jamais arrivé encore. Oh, le menteur éhonté. D'accord, oui. Mais dans Horizon, ouais, je l'ai un peu plus senti, effectivement. C'est pour l'instant, ouais, ça me. Je trouve pas ça vraiment extraordinaire. Je te dis, j'arrive pas encore à vraiment assimiler le truc par rapport à l'environnement. Enfin, c'est naturel. Je pense que j'ai pas suffisamment joué à Horizon, je pense, pour m'acclimater au truc. Peut-être parce que c'est naturel aussi. Justement, mais t'as certaines utilisations quand t'avances un petit peu dans Horizon, justement, où ils mettent en avant un tout petit peu la vibration du casque et ça marche bien, en fait. Justement, ça paraît naturel. Ouais. Ça t'immerge, c'est vraiment une question d'immersion, c'est pas excessif, voilà, c'est ça qui est bien. ça va pas te mettre non plus des coups dans la nuque. Je pense qu'un jeu comme Pistol Whip, que j'ai pas essayé, à mon avis serait beaucoup plus efficace. Ouais. Je l'ai pas essayé encore, mais c'est vrai que ça va être avec ce genre de features là. Ou Gran Turismo. D'ailleurs, oui, en parlant de Gran Turismo, visiblement, alors j'ai pas vérifié, mais il y a une option à activer pour avoir les collisions avec les autres véhicules, parce que le retour haptique s'active en fait quand tu prends un mur, mais ne s'active pas quand tu tambourines une autre voiture. Vraisemblablement, c'est une option qu'il faudrait activer pour l'avoir aussi dans les collisions. Exact. Voilà. Mais vu que ça t'arrive jamais non plus, hein, comme chacun le sait. Exactement. Voilà, comme on a pu tester. Ça s'est vu d'ailleurs dans la preview qu'on a faite. Exact. Je ne pousse jamais personne. Non, fair play, toujours fair play. Le beau geste, quoi. Je laisse gagner les concurrents. Bien entendu. Je sais pas si vous avez vu. ok. Ah là là. Ensuite, alors. Dans les petits points aussi, moi, qui m'ont un petit peu et qui me gênent un petit peu sur Space VR, on l'a déjà un petit peu évoqué au début, c'est cet effet apparemment qui s'appelle donc effet Mura, avant ça s'appelait effet de grille, ou alors bruit c'est de l'image. C'est pas pareil pour moi. Bruit de l'image, qui moi m'embête, et c'est vraiment le truc en passant du Rift S au PSVR 2 qui m'a choqué et qui a fait partie justement de mes impressions un peu mitigées lors de ma première session. C'est cet effet justement de voile gris, de voile grisâtre, très très léger, très très très léger, j'insiste là-dessus, mais permanent en fait sur à peu près tous les jeux, qui est dû, je pense, c'est ce que je trouve en tout cas, quand il fait attention, et tu vas me parler certainement de Tetris Effect sur lequel j'y l'ai aussi constaté, ouais. Y a aussi ce même effet. Quand tu y fais attention. Quand tu y fais attention, et le problème c'est que là on est en phase de test de ce PSVR 2, c'est pour ça qu'on révèle un petit peu tous les trucs qui vont et tous les trucs qui vont pas, et notamment les trucs qui vont pas aussi, surtout ça. Et donc ce petit effet là, je pense, est dû, comme on disait tout à l'heure, au problème d'échelle de résolution qui est pas suffisamment poussé sur certains jeux, par exemple comme Gran Turismo 7, parce que c'est quelque chose aussi, un truc qui est souvent remonté sur le Discord. Je pense que ça vient aussi donc de l'échelle de résolution, et cet effet Mura justement, et j'allais dire sublimé par ce problème d'échelle de résolution et de manque de dynamique au niveau des couleurs de certains jeux. C'est-à-dire que plus le jeu va être dans des nuances de gris, comme Gran Turismo 7, plus cet effet va ressortir sur un jeu comme Horizon, je trouve, avec un certain taux de luminosité de ton casque que tu peux régler. Moi je l'ai réglé à 50%. Cet effet s'estompe un petit peu, en tout cas sur certaines textures, cet effet s'estompe. Sur certains jeux, par exemple Tetris Effect, tu le vois moins, mais tu le vois, il existe encore, parce que c'est vraiment dû justement au casque, à l'écran, à l'hardware, c'est pas une optimisation à la dalle. Exactement. Donc c'est un effet qui se voit plus ou moins selon les jeux. Je pense qu'il se voit beaucoup plus sur les jeux, on va dire, dans des gammes de gris. Et je pense que le pire, c'est R8. Une petite rehausse dynamique des couleurs et un petit contraste un peu plus élevé sur certains jeux. En tout cas, la possibilité de pouvoir augmenter le contraste sur certains jeux et la luminosité et les couleurs de certains jeux aiderait, je pense, à un petit peu moins voir cet effet-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je suis pas vraiment d'accord, parce que tu parles justement de contraste et de niveau de couleur et tout ça. Aujourd'hui Majo n'est pas d'accord. Non, bah c'est vrai. Je vais dire oui pour R8, et là pour moi ça a été le pire. C'est au tout début du jeu, quand tu traverses la forêt, que tu passes dans une zone brumeuse, que t'es dans le noir. Brumeuse, grise, blanche et noire. Là on est d'accord. Et là c'est le pire que j'ai vu. Par contre, la première fois que je l'ai vu, c'est dans Horizon, quand je suis tombé dans l'eau, ouais. Quand t'es sur la barque. Parce que pareil, c'est un voile bleuté que t'as devant, qui est assez monochrome, ouais, en fait. Ouais, mais on n'est pas sur des tons, on est sur du pastel, on est sur des trucs qui sont hyper colorés, quoi. Mais c'est une couleur qui est unie. Et tu as effectivement un peu la même chose, et là c'est je crois que c'est Rames qui me l'avait fait remarquer quand on en a parlé, quand il t'enlève la capuche sur la barque, où effectivement tu as aussi, alors tu as un effet aussi qui est voulu parce que c'est un tissu auquel tu vois un petit peu à travers, mais tu as aussi l'apparition en fait de ces points, de ce grain que tu as dans l'image. Et pour moi c'est pas vraiment un problème de résolution, parce que il y avait le même sur PSVR. et il était aussi visible. Donc, est-ce que c'est pas plutôt dû à la techno OLED, et c'est là où oh oui certainement bon, ouais. il a enquêté un peu et parce que finalement il n'y a pas vraiment d'autres écrans OLED sur le marché. Je pense que c'est surtout dû à la technique de la dalle plus qu'à la résolution des panneaux. Et c'est là où effectivement c'est un peu dommage parce que bah, ça fait c'est quelque chose qui pour moi, et on parlait des attentes qu'on avait à l'arrivée, c'est quelque chose qui pour moi faisait partie de la première génération de PSVR et qui devait disparaître parce que c'est tellement visible que c'était pas pour moi incompréhensible que ça ne disparaisse pas. Et en fait, c'est encore là. Et j'ai l'impression que justement parce que la dalle est plus fine, on le voit encore plus qu'avant. Parce qu'on peut pas, c'est pas la résolution du casque en lui-même qu'on peut mettre en défaut, c'est vraiment justement ces petites aspérités, ce petit bruit justement qu'il y a sur le casque qui nous saute à la gueule parce que du coup la résolution du casque est meilleure, c'est vrai effectivement, je pense que c'est ça. Et du coup c'est désagréable mais uniquement dans certains passages. Et je répète, enfin je reprends le R8 quand t'es dans la maison, t'as des zones sombres etc où tu te balades quand tu vas coucher Rose et tout ça. Tu as des zones qui sont sombres aussi, mais éclairées par des lampes qui sont posées. Il n'y en a pas à ce moment-là. Enfin, moi, je ne le vois pas en tout cas. Mais par contre, tu as des passages, comme je dis, quand tu passes dans le brouillard, c'est dégueulasse. Enfin, je me demande comment ça a pu passer les tests, un truc pareil. Les zones de gris. C'est inadmissible, quoi. Et c'est ça qui est plutôt paradoxal, je trouve. Mais du coup, c'est quelque chose justement qui fait dire aux gens, aux retours qu'on a, aux nombreux retours qu'on a sur des jeux comme Gran Turismo 7, là, le jeu est flou, le jeu est les couleurs sont délavées, le jeu est grisâtre. Il y en a beaucoup que ça gêne, hein. Il y en a beaucoup qui sont complètement subjugués par le jeu. Moi, j'en fais partie parce que j'arrive quand même un petit peu à faire abstraction de ça quand je fais pas le compte testeur qui va regarder le petit grain qui va pas et titiller le petit détail. Mais c'est présent et c'est effectivement un souci. C'est quelque chose, surtout quand tu passes d'un casque à l'autre, un casque qui n'a pas ce souci-là. Ouais, parce que j'allais dire quand je passe du PSVR 1 au 2, ouais, ça me choque pas. Ça choque moins, c'est sûr. Mais quand tu passes, ouais, quand tu passes d'un casque PC jusqu'à à un PSVR 2, moi c'est le truc justement qui m'a un petit peu sauté à la gueule. Perso. Et c'est pour ça justement que tu m'avais demandé, Laurent, de tester un jeu de bagnole sur PC avec le Rift S. Me donner pour voir si c'était flou au fond. Ouais. Ton impression sur le flou distant par rapport au PSVR 2, et je t'ai dit c'est plus compliqué que ça en fait parce que la résolution du Rift S est plus basse que celle du PSVR 2. Ma configuration n'est pas mauvaise sur PC, mais au loin en fait c'est aussi flou sur c'était Formula One je crois 2022 sur lequel j'avais testé. Ouais, c'est ça que t'avais essayé. Ouais, c'est plus enfin c'est à cause de la résolution qui est plus basse du casque, et ben c'est flou. Enfin c'est flou, c'est pixelisé dans le fond, tandis que sur le PSVR 2, c'est un effet de flou mais pas dû à la résolution du casque, mais à l'optimisation de la PS5 du jeu et ce petit effet de grain et de bruit que tu as sur c'est vraiment sur GT7. Sur GT7. C'est pas un problème des résolutions. Bah moi il me semble hein. Passes d'un casque à l'autre justement, ça reste pas parfait mais différemment, tu vois. C'est un petit peu compliqué à expliquer. Pour moi GT7 c'est vraiment un flou mais dû à la résolution de la dalle. Quoi. Pour moi c'est le grain. C'est le grain. C'est pas la résolution de la dalle le problème sur GT7, non. Vraiment pas. Pour moi, en tout cas. Moi, je le vois pas comme ça. Non, parce que quand tu regardes tout ce que tu regardes, est relativement net. Si c'est la définition de la dalle, ça veut dire que GT7, on ne pourra jamais la ranger. Non. Je suis pas d'accord du tout. Moi, franchement, je pense que GT7, même si j'adore le jeu, même si je le trouve vraiment très très beau et que je m'en contente tout à fait, je trouve qu'il manque vraiment. Une gamme de couleurs, une gamme dynamique de couleurs importante. Je trouve que il manque de peps, il manque de vibrance en fait dans son rendu et refait le circuit qu'on a fait, je me rappelle plus lequel c'était en carte. Bah, tu peux pas dire ça, je peux pas te laisser dire un truc pareil. Il manque de peps. Je trouve qu'il manque au niveau de la colorimétrie, il manque vraiment de peps. Non, je les bleus sont bleus, le soleil, il a la couleur du soleil, l'herbe est verte. Non, non. Le premier, j'étais sport sur PSVR 1, oui. Là, il est très sur dans les tons des gris. Même quand le ciel est bleu, le ciel est gris. Là, je suis d'accord. Mais j'étais 7, je peux pas te laisser dire ça, je suis pas d'accord. Bon. J'ai dit, reprends le niveau qu'on a fait avec le kart. Où t'as justement. C'est vrai que le kart, pendant la preview, on s'est dit justement que t'as pas de cockpit. T'as pas de pare-brise. Ouais, mais donc du coup, ouais. t'es pas dans un environnement fermé. Donc t'as pas. Enfin, quand t'es dans une voiture, t'es pas plein jour. Même les intérieurs, même les intérieurs du jeu, en fait, même des bagnoles, je veux dire. Ça manque. C'est vraiment une question de couleur. Ça manque de. Non, je suis pas d'accord. Non, vraiment pas. Non. En fait, même tu prends une voiture jeune, la voiture elle est jaune pétante quoi. Enfin, quand on, elle est pas jaune gris. J'essaierai de te faire comprendre ça même t'as, je sais que t'as l'occasion de tester déjà des casques PC même qui sont pas forcément meilleurs que le PSVR 2, mais j'essaierai de te faire comprendre ça justement sur les passages où tu es prêt vraiment d'une texture, par exemple comme le cockpit, comme l'intérieur de ta bagnole. Non, mais et le fait que sur des effets métalliques, des effets de texture, de mousse un petit peu, que tu vois un petit peu dans GT7, que tu vois et que tu ressens bien justement dans le mode showroom de Gran Turismo 7. Qui est plus développé que le. Qui est plus détaillé. L'aspect global du jeu. Ouais, ça se voit grave. Et justement, que tu ressens plus présent en fait. Tu sens plus la présence de ces textures, de ces effets-là sur un casque d'une résolution moindre sur PC. Parce que les couleurs sont plus vibrantes, parce que les reflets te claquent plus dans les yeux, parce que les noirs sont plus noirs, même s'ils sont moins noirs en plus, parce que tu passes d'un écran OLED à un écran LCD. Et pourtant, les effets et la dynamique justement de toutes ces couleurs et de toutes ces textures-là font paraître ton environnement plus réaliste et te saute plus à la gueule. Il manque... Enfin, le GT7, le seul truc que je lui reproche, moi vraiment, c'est même pas le flou de loin, ni quoi que ce soit, ni des petits problèmes de texture ou ce genre de détails, c'est son manque de vibrance un petit peu et le fait qu'il soit un petit peu terne. Moi, c'est ça vraiment que je lui reproche et je pense que c'est son, ce qui provoque ce petit effet de grisaille, quoi. Oui, mais ça se corrige aussi. Et je pense que ça se corrige, en tout cas, j'espère franchement que ça va se corriger, quoi. Mais je. Enfin. Ok, mais non. Très bien. Bon, entendons-nous sur le fait qu'on n'est pas d'accord. je me répète, écoute, je suis en train de re-regarder notre preview. Sachant que ce qu'il y a sur la capture. Personne n'est d'accord, en fait. Mais non, mais c'est ça, c'est qu'une question d'impression. En plus, voilà, on découvre le PSVR 2, on l'apprend. Encore dans le Discord, je disais il n'y a pas si longtemps, concernant cet effet Murat, blablabla, j'essayais d'expliquer un petit peu d'où ça venait. Il y en a qui ne le voient pas, Et j'ai eu plein de réponses qui ont dit, mais l'effet Murat, on s'en fout, en fait. Moi, ce qui ne me va pas, c'est que les textes, il y ait une aberration chromatique sur les textes. Mmh. Puis après, tu en as un autre qui va dire, non, moi, ce qui ne me va pas, c'est le flou au loin. Ou il y en a un autre qui va te dire, moi, ce qui ne me va pas, c'est le confort. Et au final, tu te dis, pour vous, l'effet Murat, c'est pas grave. Ah on s'en fout. Ah, et pour d'autres, c'est super important. Bah, pour moi, et par exemple, pareil. Et par contre, si tu prends point par point, si tu commences à parler de ce halo qu'il y a autour du texte blanc sur un fond noir, il y en a, ça, c'est rédhibitoire. Mm. Et par contre, les autres problèmes, ils s'en foutent. Mm. Donc, c'est là où c'est super difficile pour nous d'essayer d'apporter, de savoir un petit peu comment les gens jaugent le truc, parce qu'ils ont tous leur truc, leur point noir différent, quoi. Mm. Et puis t'as les leur point noir ou leur côté positif aussi. Il y en a que rien ne gêne. Hein. Et puis t'as aussi l'inverse. T'as aussi les gens qui démarrent juste et qui sont en stress en ce moment en disant putain, je viens de dépenser 600 euros et je sais pas si je vais pouvoir y jouer parce que là, les premières fois, je suis malade en permanence et ils stressent pour le lendemain en disant est-ce que je vais être malade cette fois. Il y a beaucoup de nouveaux justement et on revient un petit peu à la même situation qu'en 2016 qu'on a connu, à essayer d'expliquer un petit peu justement le motion sickness et puis comment débuter la VR, etc. Donc déjà on les remercie de nous avoir rejoints et puis de nous suivre mais voilà, en fait ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y en a certains, notamment il y en avait un qui était avec nous sur la preview, je crois que c'était Tao Alex ou merde, aide-moi Majo Kenestra. Kenestra, j'allais dire Daorp, voilà, Mixtoo. Voilà, bah ça c'était les quatre. Je vois pas de qui tu parles, je vois pas ce que tu veux dire. Ouais, qui avait justement débuté la VR avec le PSVR 2, qui connaissait pas avant, qui pendant ses premières sessions de un quart d'heure, une demi-heure, était un petit peu malade, et puis 48 ou 72 heures après, plus aucun problème, plus capable rien. De faire des sessions de 2 heures dans Gran Turismo, et puis. Et puis vogue la galère, quoi. Et on a pas mal justement de nouveaux arrivants qui ont un petit des soucis avec ça. Et il faut persévérer, hein. Il n'y a pas de solution miracle, hein. Et puis au bout d'un moment, vous allez être comme nous, c'est-à-dire que vous n'allez plus rien craindre, pouvoir faire des vrilles en VR en zéro gravité, il y aura plus de problème. Donc voilà. Ça marche. Est-ce que du coup, à moins que vous ayez d'autres aspects techniques sur le PSVR 2, je pense que de toute façon, on reviendra un petit peu sur le sujet pour les prochaines émissions. On va continuer à l'utiliser, le PSVR 2, à découvrir de nouvelles choses, à avoir de nouvelles observations, à avoir de nouveaux retours de la part des utilisateurs qu'on pourra expliquer. Je pense qu'on a déjà un petit peu fait le tour justement pour ces premières impressions, on va dire. Majo. Ouais, enfin moi je vais quand même dire que il y a quand même de belles améliorations du coup par rapport au premier PSVR, parce que c'est ça finalement qu'il faut aussi évoquer, c'est que les scènes ils sont quand même top. Ouais. Le tracking est quand même relativement bon, même si j'ai eu quelques décrochages aussi sur des méos sur les parties les plus extrêmes du casque quand on sort un peu du champ de vision, mais rien de bien méchant, ou quand tu ramènes les mains ça se recale directement. C'est pour ça que je parlais de la caméra, ça aurait pu aider aussi s'il y avait eu un tracking facial en sus, mais les scènes se sont très efficaces, les gâchettes ça fonctionne bien. Petit bémol sur la reconnaissance des doigts sur Horizon. Alors encore une fois, j'ai pas beaucoup joué à Horizon, mais j'ai pas trouvé ça très réactif. Je sais pas toi Lolo, tu l'as fini. Justement, on va peut-être pouvoir partir J'en suis pas loin, ouais. Sur le test d'Horizon, du coup, si on part sur pas ce genre de détails. Ouais. Du coup, enfin voilà, je trouve que bon, ça c'est pas une priorité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'en ai eu une petite déception du casque, puisqu'on est plus sur les avis du casque, on va passer à autre chose. Donc c'est pour ça. Je veux quand même nuancer ce qu'on dit, c'est-à-dire que moi j'ai choisi le PSVR, le PSVR 2 du coup. J'achèterai pas d'autres casques. J'irai jusqu'à la fin avec celui-là et on verra pour la prochaine génération. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup d'aspects qui me déplaisent, mais j'ai quand même énormément d'espoir en fait sur tout ce qui vient derrière, et notamment les jeux. Et aujourd'hui, pour moi, Horizon et GT7, je trouve, et même R8, on va dire, de manière officielle, je ne trouve ça nulle part ailleurs. Je vais passer énormément de temps sur GT7, et le rendu global et l'immersion et tout ce que vous voulez, ça reste top, ouais. Qu'on se le dise. Oui. Parce qu'on est quand même relativement négatif depuis tout à l'heure. On a parlé 1h40 à peu près. On a parlé d'énormément de points qui ne sont pas bons. Moi, je crois en ce casque. Je l'aime quand même. Même s'il y a des défauts que je pensais qu'ils seraient corrigés, qu'ils ne le sont pas. Et s'il en a d'autres qui sont arrivés, mais il a quand même d'autres qualités. Je prends quand même plaisir à jouer avec. J'ai fait 3 heures de déméo l'autre jour avec. Tout va bien. Voilà, ça s'est très bien passé. Donc, on est quand même obligé de dire ce qui va, ce qui va pas. Mais aujourd'hui, je crois quand même encore en ce casque. Je crois en tous les jeux qu'on peut avoir avec. J'espère d'ailleurs qu'on en aura d'autres. Et je vais prendre un énorme plaisir encore à jouer à Gran Turismo. Et voilà. Donc, que ce soit dit, il y a des mauvais points. Mais on est aussi... je suis aussi du moins oui. Plutôt satisfait de ce que j'ai, même si c'est pas à la hauteur des attentes que j'en avais à la base. J'en suis quand même content. Et c'est ça exactement, peut-être les attentes un petit peu trop hautes, et du coup on revient un petit peu à la réalité. Moi, pour tout te dire, le seul truc que j'ai envie, c'est d'arrêter cette émission et de me le refoutre sur la tête. T'as l'appel du casque, hein, tout simplement, l'appel des jeux. Ben va-t'en. Et c'est ça. Bonne soirée, à dans 2 semaines. Hey, ciao. Et ciao. Va te rougir le front. Non, parce que maintenant j'arrive à le mettre comme il faut, donc du coup ça me rougit même plus le front, enfin plus trop. Mais voilà, ça reste quand même les jeux, Gran Turismo, même si on critique et même si on est critique, forcément, on teste le matériel. On est obligé. On teste le matériel et surtout, on veut être honnête vis-à-vis des gens. Alors, peut-être qu'on a... On est paru, effectivement, tu fais bien de le remarquer, Majo, et un petit peu pessimiste depuis le début de l'émission. Mais en fait, on tient à dire la vérité surtout aux gens. On tient à donner aussi... Mais parce que, et... comme on disait au début, on trouve qu'elle a pas... Enfin, il y a plein de choses qui ont été occultées pour moi, avec toutes les previews qui en ont été faites avant son lancement. Voilà, mais c'est quand même un casque qu'on aime beaucoup, quoi, et qu'on apprécie de plus en plus. Je pense que quand on apprendra vraiment à l'utiliser, et puis à bien le positionner, et puis... À le maîtriser, ça va être des aspects justement qui vont être minimes finalement par rapport au plaisir de jeu qu'on a sur le PSVR 2. Donc voilà, ouais, c'est tout. Moi je te dis, tout ce que j'ai envie de faire là, c'est de terminer Horizon, de reprendre une partie de GT7 et puis d'y retourner, quoi. Parce que ça reste du plaisir pur et dur, tout simplement. Il y a aucune, moi j'ai aucun regret d'avoir pris le PSVR 2, même par rapport à mon casque PC, quoi. Disons qu'on va dire que c'est pas une révolution. Non. Mais c'est une belle évolution. C'est une belle évolution et toutes les évolutions supérieures comme le tracking, le confort d'utilisation logiciel, on va dire. L'eye tracking, les retours haptiques, etc. C'est des choses. Bah, quand on va passer sur des casques qui ne l'auront pas, ça va faire un peu chier, quoi. Tout simplement. Exactement. Et, alors. Est-ce qu'on va passer du coup maintenant au test des jeux vite fait en plus des previews donc du coup que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube et sur VR4Player. Est-ce qu'on peut passer du coup au test de Gran Turismo 7? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas dit encore ce soir là-dessus sur ce jeu-là? Par rapport à la preview, tu veux dire? On peut faire un test rapide, hein, genre Gran Turismo 7, c'est de la balle, c'est la seule façon de pouvoir y jouer, c'est en VR, et puis maintenant la version plate, ça existe plus. Effectivement, une fois que tu as joué en VR, il y a plus vraiment, enfin, hormis si tu veux regarder la troisième personne, il y a plus vraiment d'intérêt. Si ce qu'on n'a pas évoqué, c'est les ralentis. Il y a possibilité de voir donc les ralentis des courses en étant positionné sur un plan du circuit et de manière et en VR du coup, sur la piste. On voit les voitures qui passent, les voitures qui nous passent dessous, qui nous foncent dessus même des fois. À côté, exactement. donc ça, c'est vrai qu'on en avait pas parlé. C'est une feature ce qui existe. Et puis après, non, on l'a déjà dit, c'est le jeu complet. Alors c'est pas quelque chose de nouveau, mais dans l'univers VR, mais c'est quelque chose qui mérite d'être souligné parce que c'est la première fois pour un Gran Turismo et c'est le deuxième jeu de voiture sur le PSVR finalement. Parce qu'il y avait quoi? Il y avait Drive Club, Dirt, GT Sport, troisième Dirt. Ah oui, troisième. Il y avait Dirt, ouais, c'est vrai. Et on n'a pas eu Dirt 2. Wipeout qui est pas vraiment un jeu de voiture, mais des jeux de cartes qui étaient bof, mais ouais, des jeux de cartes. Ouais, mais bon. Donc on est quand même sur quelque chose de vraiment qualitatif, très proche de la version classique. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça reste très très très très proche de la version standard. Donc c'est vraiment que du bonheur. Si je devais mettre un petit bémol, et ça je me suis fait la remarque un peu plus tard, je trouve que les cockpits sont plutôt étriqués. Je sais pas si j'ai l'impression en fait qu'ils sont un peu plus petits que ce qui serait en vrai. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ton personnage est un peu petit, quoi. Je trouve que ça aurait peut-être mérité un peu plus d'ampleur. Alors je sais pas si c'est qu'ils ont voulu concentrer en fait la vue de manière à ce qu'elle soit le plus périphérique, non panoramique possible, pardon. Ouais, peut-être. Ouais. C'est une question de fauve. Enfin, dans le jeu, t'as l'impression que t'es un gros balèze dans le jeu. T'as l'impression surtout que t'es très petit en fait. T'as des petites jambes et tout. C'est ça, j'ai l'impression que ma tête en fait fait tout l'habitacle. Ouais. Grosso modo. Ah oui, donc vous êtes pas d'accord. J'ai le melon. Il y en a un qui a l'impression qu'il est tout petit et l'autre qui a l'impression qu'il est une grosse brute. En fait, c'est la représentation de ton corps qui est toute petite et que toi, du coup, ça te paraît plus gros. En fait, c'est. Par rapport à ton corps. La même chose avec Majo, mais pas pareil. L'impression d'être beaucoup plus gros, voilà. C'est ça. Moi, ça me choque pas en fait, parce que en fait, c'est moi ce qui m'intéresse, moi justement, dans Gran Turismo 7 et ce qui est apporté par réalité virtuelle, c'est les sensations, bien évidemment. C'est l'appréhension de la piste, l'appréhension des dénivelés, l'appréhension des distances. C'est un truc qui est incomparable par rapport à la version plate. C'est le ressenti de l'accélération, des freinages de ta bagnole, de l'assiette de ta voiture, des suspensions. y a des choses que tu ressens en réalité virtuelle, que tu vois autour de toi, que tu ressens autour de toi, que tu ne peux pas ressentir en version plate. Mais le kart, c'était une sur, tuerie. Sur ce jeu-là. Le kart aussi. Les... Le kart en sensation, c'était c'est incroyable. C'est vraiment génial. Du sol. T'as à ras du sol, t'as à fond, t'as un panorama qui est incroyable. Il y a ça, et puis voilà, je veux dire, c'est une autre approche vraiment. Je pense que maintenant que j'ai Gran Turismo 7 sur PSVR 2, je pourrais plus jamais y rejouer en plat. C'est impossible. C'est juste plus possible. Rien que le fait, et il y en a certains qui ont été vraiment aussi étonnés, c'est le showroom. Le showroom. Moi, les bagnoles, je m'en fous. Hein. Ouais, je suis pas du tout mécanique chouette, ni quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. Je suis resté je sais pas combien de temps sur le showroom, juste à regarder des bagnoles de collection et tout, et puis à tourner autour, à me mettre dedans, à me mettre au volant, à entendre le moteur aussi, parce que quand tu rentres dans le showroom, t'as les accélérations de la bagnole, même dans des endroits clos, donc du coup t'as la réverbération un petit peu justement des murs et des bruits du moteur. Ça rend super bien, c'est vraiment trop bien. Et là par contre, justement, comme c'est une version un peu plus détaillée des modèles des voitures qu'il y a dans ce mode-là par rapport au mode course, tu t'approches du volant, tu vois les petits poils, les petits détails en fait sur le volant, sur les cuirs, sur les coutures, sur les reflets métalliques, sur les carrosseries, ça se reflète dans tous les sens, c'est ultra réaliste, c'est vraiment bluffant. Et moi pourtant, je te dis, je suis vraiment pas dans la mécanique, quoi. Les bagnoles, ça m'intéresse pas, quoi. Moi ça m'a fait vraiment retrouver le jeu m'a fait retrouver la passion que j'avais pour les voitures et pour les jeux de course, parce que ça fait très longtemps que je jouais plus aux jeux de voiture. Ça m'a même donné envie d'acheter un volant juste pour ce jeu en prévision de la VR. Donc vraiment ce jeu est top, et en VR il est encore mieux, quoi. Voilà, enfin vraiment il y a pas photo, enfin si vous avez la possibilité, enfin si vous aimez les jeux de bagnole, vous avez la possibilité de le faire en VR, que vous avez quasiment tout ce qu'il faut. Enfin, il n'y a vraiment aucune raison pour que vous ne l'ayez pas. C'est un des meilleurs titres aujourd'hui du lancement du PSVR 2. Pour ne pas dire le meilleur, pour moi d'ailleurs, je pense. Pour moi, c'est le meilleur aussi. Hein. Ouais. Donc vraiment, pour moi, c'est une valeur sûre. C'est celui qui a qui souffre pour moi le moins techniquement de soucis, comme on a pu parler d'optimisation et tout ce que tu veux, et puis qui te donne le plus de sensations, et surtout qui arrive à te faire oublier assez rapidement que t'as un casque sur la tête. Et les petits défauts. C'est ça, finalement. Les petits défauts sur lesquels on revient depuis tout à l'heure, justement, de flou, de problèmes de tearing sur les côtés pendant les mouvements, ou alors l'effet de Murat, c'est un truc que t'oublies dès que tu fais 100 mètres. C'est pas compliqué. Et d'ailleurs, il y a quelque chose aussi qui est revenu quand on a fait la preview, quand on a discuté avec les copains du Discord, c'est quand tu joues en multi, ça fait toute la différence justement d'avoir tes potes top. Autour et de communiquer avec eux et te faire te balancer des crasses ou de te faire des petits coups de pute sur la piste, et tu sais, de les voir, de les avoir juste à côté de toi, parce qu'ils sont pas uniquement à côté de ton avatar, non, ils sont à côté de toi en VR. Ouais, face. La voiture. Oui, parce que tu les vois. Oui, pas. Ils sont. D'ailleurs, ça c'est dommage. À quand une petite partie motion gaming où tu pourras lever le bras, faire des signes, des signes comment, genre salut, des comme ça, ouais, genre chauffard. Sortir le bras par la fenêtre, tu vois. C'est ça. Tu mets ta ce genre de délire. Voilà. pour la prochaine génération de casque VR, on veut ça. Prochaine mage. Donc voilà. Donc si on parlait du PSVR 3 maintenant. Alors non, calme-toi. Donc voilà, Gran Turismo 7, nous on est conquis complètement, donc c'est top. Ouais, tout simplement. Valeur sûre. Si vous aimez les voitures, et même si vous aimez pas les voitures, parce que comme Disey, il arrive quand même à te donner envie et à te faire prendre du plaisir à jouer à des jeux de bagnole, même si t'aimes pas forcément ça. Donc c'est ça. Donc non, valeur sûre pour nous. Je sais pas si ça vous l'a fait vous, mais je me suis surpris à passer des courses que j'avais du mal à passer avec la manette. Je les ai passées d'un coup avec le casque. Ah oui. Ah oui, bah oui, l'appréhension est pas la même. Notamment une course sur Tokyo, je crois, ou non, c'était pas Tokyo, c'était au Japon, dans une ville. Et j'arrivais toujours deuxième. Tokyo Expressway. Et là, j'ai dit, bah, je vais me refaire celle-là, parce que vu que j'y étais dessus au moment où j'y jouais, je me suis dit, bah, je connais le circuit, donc je vais refaire celle-là. Et j'ai fini premier. Alors, c'est peut-être une coïncidence, hein, ou alors on a peut-être une meilleure appréhension, j'en sais rien. Mais, ouais, non, c'est... Non, non, mais c'est vrai. Alors, je l'ai pas fait, moi, du coup, j'ai fait les... faut que je m'y remette sur les permis. Après, les courses sont relativement faciles, quand même. Mais j'ai pas essayé Sophie non plus. Oui, parce que depuis, L'IA. Du coup, il y a eu une... L'IA diabolique. Il y a eu la mise à jour Gran Turismo Sophie, du coup. Et je l'ai toujours pas essayé, mais apparemment, c'est quand même très, très compliqué d'arriver à les battre. Donc voilà, il y a plein de bonnes choses. Donc c'est bien parce que ça fait évoluer, j'espère qu'ils s'en serviront pour plus tard aussi, parce que ça fait grandement évoluer le gameplay des autres voitures sur le circuit, parce que c'est vrai, quand tu joues en solo, les voitures qui sont sur des rails, j'avoue que c'est particulièrement chiant, notamment pour les défis et les missions, où j'en ai fait quelques-uns, où tu dois faire des missions de dépassement avec des vieux véhicules, donc qui ont très peu de patates, donc il faut vraiment... tout optimisé au poil pour ne pas déraper de trop, ne pas perdre de vitesse et d'accélération, pardon. Donc et quand tu arrives à passer une voiture, en fait, et que t'es dans ton axe et que tu vois l'IA qui se rabat sur toi, qu'elle te touche, et que du coup tu perds, parce que à la moindre touchette c'est fini, là il y a de quoi rager quand même. Et pour le coup, j'avoue que c'est quand même un peu casse-pied, ça, là-dessus, dans Gran Turismo. Mais c'est un peu l'essence de Gran Turismo, ça aussi, l'intelligence artificielle, depuis un bon moment. Et pour le coup, je trouve que l'arrivée de Sophie, et c'est quelque chose qui est aussi beaucoup demandé par la communauté de Simracer sur Gran Turismo 7, c'est vraiment qu'il fasse un effort sur l'IA, et c'est quelque chose qui est très attendu. On va dire de manière plus large dans le jeu, parce qu'aujourd'hui il y a que 4 courses qui proposent de courir contre Sophie. Donc voilà, on espère que ça sera un peu plus étoffé à l'avenir. Voilà. Voilà tout ce qu'on pouvait dire en tout cas sur Gran Turismo 7. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Si vous voulez organiser des courses, il y en a quasiment tous les soirs qui s'organisent sur le Discord de Ver4Player, donc il y a des gens qui sont chauds, qui sont à donf, qui jouent avec des volants. Un salon spécial GTC. Qui sont talentueux. On a des salons pour à peu près tous les jeux. Je pense que tous les jeux multi maintenant vont avoir leur salon pour pouvoir organiser des parties entre potes. Donc n'hésitez pas à venir. Ça sera toujours plus sympa. Et puis franchement, nous on y sera aussi, je pense, assez régulièrement. En tout cas, quand on aura le temps, quand ça va se décanter un petit peu en termes de tests et de jeux à faire. Ensuite, est-ce qu'on passe sur Horizon Call of the Mountain? Et là, c'est Laurent avec ses gros bras de grimpeur qui va nous en parler. Oui, alors Horizon, tout le monde a vu qu'on démarrait par une espèce de cinématique sur rail, très très jolie, sympa. D'ailleurs, à ce propos, il y a une autre cinématique qui est dispo aussi sur le que vous avez peut-être pas vu passer. Le mode safari. Qui représente tous les où c'est que on voit tout le bestiaire en fait d'Horizon. Tous les robots. Tous les robots, y compris, je ne sais plus le nom, la griffe de feu, les choses comme ça, on les voit aussi. Donc super sympa, c'est pareil, hein, ça peut être sympa pour faire découvrir la VR à des personnes chez vous. Je l'ai fait essayer à mon fils. Voilà. Je l'ai fait essayer à mon fils, je lui ai dit attention, t'inquiète, c'est pas vrai. Hein. Attention, ça va peut-être faire peur, hein. Si ça fait peur, tu me le dis. Hein. Et puis après, il a terminé le truc, il a dit oui, j'ai pas eu peur. Donc voilà, c'est vraiment bien pour tout le monde. Quoi, du coup. Bon, bah maintenant on va jouer à R8. C'est ça. Prochaine étape, t'inquiète. Alors, après, on va faire Après le jeu, moi je suis scotché de toute façon. Globalement, de toute façon, je suis scotché par ce PSVR 2, hein, parce que faut pas oublier que je viens du PSVR pendant 6 ans, et c'est sûr que quand tu tombes dans Horizon, tu te dis putain, ça y est, on a passé un peu le cap de tous ces jeux de merde qu'on avait sur la fin de la vie du PSVR. Donc, pour moi, c'est ce que je veux en fait, c'est ce que je recherche. Je me suis bien sûr, j'ai fait mon emmerdeur, hein, quand je suis arrivé dans Horizon, j'avais les yeux plaqués sur toutes les textures pour voir comment c'était, voir s'il y avait par moment il y a des petits trucs qui auraient pu être réparés, mais là je suis pointilleux, donc mais globalement c'est super chouette. Pas mal de petites interactions, notamment des interactions toutes connes, tu prends une pomme, tu la balances n'importe où dans le décor, et elle va taper dans le décor, elle va pas passer à travers. Et ça, c'est pas donné à tous les jeux. Par exemple, After the Fall, tu peux balancer une bouteille, la bouteille avant qu'elle se casse, tu peux attendre un moment, et puis des fois, elle va traverser le mur. Donc tu dis ah. Donc c'est plein de petits détails comme ça. C'est pas un modèle d'optimisation After the Fall aussi. Oh putain, on n'y parle, on n'en parlera pas pendant cette émission. Mais disons que en fait dans ce jeu-là, ce qui me surprend, c'est de faire mumuse avec le décor. Et tiens, si je fais ça, qu'est-ce que ça va faire? Et tu trouves des trucs marrants quoi. Tu peux très bien prendre un panier, le jeter en l'air, sortir ton arc, tirer ta flèche, et ton panier tombe avec la flèche plantée dans le panier. Et tu vas dire, putain, quand même, ça c'est un truc que pas tout le monde va faire et ça marche. Y a plein de trucs comme ça que tu. À un moment, il y avait des pommes de partout et j'allais chercher mes pommes et je m'amusais à les balancer un peu de partout pour voir comment ça réagissait. J'ai pas trouvé l'endroit où c'est que la pomme elle allait pas rebondir sur la paroi ou si c'est sur une toile de tente elle rebondit plus haut. Et elle retombe. Il y a des murs invisibles par moment. Quand on est souvent dans les bâtiments par une fenêtre et qu'on voit une cible et qu'on veut la tirer à la flèche, des fois, tu as ta flèche qui tape dans le mur invisible et la flèche, elle reste en suspens, comme si elle volait. Ça m'est arrivé une fois ou deux. Mais globalement, j'ai apprécié tous ces petits trucs. Tu traverses un ravin au bout d'une corde, tu lâches la corde comme j'ai montré dans la preview. C'est génial parce que tu sautes dans le vide et c'est super. Ça te fait des petits guillots au ventre et c'est marrant quoi. Donc du coup ça c'est la première chose que j'ai vraiment apprécié. Graphiquement c'est une tuerie. Tu regardes les détails d'une corde avec tous les petits filaments, les petits trucs. Tu t'approches de n'importe quoi. Tu dis putain quand même c'est super poussé. Alors, faut pas oublier que la plupart des assets viennent du jeu plat, donc ils étaient déjà super chiadés à mon avis. Mais déjà graphiquement. Bon, perso, je me suis pris une claque. Le Murat, c'est pareil. Je ne l'ai même pas vu, d'ailleurs, dans tout le jeu. Et puis, tellement envie de continuer que je ne m'en suis même pas inquiété de ce genre de truc. Donc, je me dirais qu'un jeu où tu t'emmerdes, tu vas peut-être regarder ce genre de truc. Mais là j'étais aux anges. Après, les combats, c'est vrai que j'avais un peu peur de ça. Parce que quand tu démarres le premier veilleur, tu te dis « Oh putain, il va falloir tourner autour ». C'est vrai que tout à l'heure on disait comment ça aurait été si on était complètement libre, comment ça se serait passé, est-ce que ça aurait pas été trop compliqué, est-ce qu'au niveau du motion sickness ça aurait pas pu poser aussi des soucis parce que si tu arrives pas à avoir, déjà ça aurait été plus compliqué d'arriver à battre le veilleur parce que lui il aurait bougé aussi et toi tu aurais été libre, je sais pas trop. Donc au final le premier coup ça m'a fait un peu peur, mais ce qui me faisait surtout peur c'est de me retrouver avec ce même système de cercle sur tous les ennemis. Et on se rend compte que quand tu as trois ennemis avec ce même système, ça devient beaucoup plus compliqué parce que, bien sûr, ils sont trois à vouloir te faire la peau. Donc, ça ne se limite pas à une esquive, on tire une flèche. Après, il faut anticiper un petit peu ce qui va arriver autour. Et puis aussi toutes les armes que tu peux faire évoluer. Tu as différentes armes comme dans le jeu plat avec des flèches de feu, des flèches électriques, des flèches percutantes explosives. Et puis t'as d'autres trucs qui arrivent après, des frondes avec des boules explosives, des choses comme ça. Donc au final j'ai trouvé plutôt intéressant. J'ai trouvé que c'était pas tout le temps la même chose en fait. Quand tu te bats contre des étincelles, et ben elles volent. Et puis tu es sur un axe droit au lieu d'être autour. Quand tu es contre un gueule d'orage, ben t'as encore des interactions différentes où il va falloir aussi peut-être faire péter des éléments au sol pour l'esquinter, monter dans des tourelles, tirer. Donc, toutes ces petites choses ont fait que j'ai pas été ennuyé par un gameplay toujours identique sur toutes les phases en arène, parce que c'est tout le temps de l'arène. Après, j'ai beaucoup apprécié aussi les phases de réflexion. Où il va falloir reconstruire un engrenage pour réparer un ascenseur, il me semble. Et du coup, c'est un petit moment où tu es tranquille et que tu essayes de tout être dans la pièce et puis tu essayes de trouver la solution. C'est scénarisé, on voit Aloy qui est toute petite, on dirait une enfant. Je la voyais plus grande. Ou alors je suis un gros balèze dans le jeu, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sympa. Et puis j'aime beaucoup quand on commence à l'embêter en essayant de lui mettre un doigt dans l'œil. On va dire ça. Ça marche avec tous les personnages. d'ailleurs. Oui, et ben ça m'a fait rire aussi. C'est le genre de truc qui m'amuse. Et puis tu vois, c'est ce genre de truc-là où je me dis, c'est sûr que j'ai l'effet waouh, en me disant ouais, c'est trop chouette. Et puis c'est ces petites conneries, ce genre de petits détails que j'adore en fait, de voir qu'il y a des réactions et de voir qu'elle fronce les sourcils quand tu commences à s'approcher et qu'elle fait un pas en arrière quand tu t'approches un peu trop. C'est le genre de trucs qui me font marrer beaucoup en VR, ça. Donc après il y a beaucoup d'escalade, bah forcément parce que c'est à la montagne, donc à la montagne il y a de l'escalade. Ça m'a pas plus dérangé que ça, dans la mesure où au début c'est vrai que tu enchaînes des blocs où c'est que t'as pas forcément grand chose à voir. Après petit à petit tu arrives à monter très très haut, donc t'as vraiment l'impression d'avoir gravi un super sommet et tout ça, donc tu as une certaine satisfaction d'arriver en haut. Et puis il y a des petites complications dans l'escalade. Au début c'est qu'avec les mains, après il faut des piolets, après il faut les piolets, des fois décrochent, donc tu dis merde, j'ai loupé le piolet, donc tu peux tomber. Donc ça met une petite tension supplémentaire, bien que tu sois quand même relativement assisté, que c'est un jeu qui est super accessible pour n'importe qui est pas compliqué, en tout cas s'il a pas de motion sickness et s'il a pas le vertige. Ça c'est deux soucis qui vont effectivement pouvoir freiner quelques joueurs. Là-dessus il va falloir s'entraîner sur d'autres jeux et puis y retourner après. Mais franchement, donc globalement, super content. Au niveau de la durée de jeu, j'ai apprécié aussi que il y a des passages où les chemins se dédoublent et qu'il y ait deux chemins possibles, notamment entre les étincelles et les mines. Mais je sais pas s'il y en a peut-être un autre à la fin. Tu peux y retourner après pour faire les chemins que tu n'as pas fait, ce qui va augmenter un petit peu la durée de jeu. Tu as aussi des défis, des duels. Donc globalement, c'est une claque pour moi. Après, c'est sûr que par rapport le même jeu qui sortirait sur une version plate PS5, je dirais pas que c'est une tuerie, parce que ça reste un gameplay VR et ça reste très accessible, ouvert un petit peu à tous les types de joueurs, mais ce serait pas forcément mais par contre en VR, que franchement je me suis éclaté, et quand j'ai passé mes 4-5 heures dessus, je m'arrête parce que c'est l'heure d'aller se coucher, parce que le lendemain il faut partir, quoi. Mais tu me laisses là-dessus, mais j'y passe 8 heures dessus sans problème. Moi, si je dois donner mon impression sur ce jeu-là, je t'avoue que la première heure de jeu, je me suis dit « Putain, mais c'est vraiment pas un jeu pour moi. » Justement, le fait qu'il y ait des combats qui soient tout en cercle là, autour du personnage. Le premier, je crois que c'est un veilleur, il me semble, que tu tapes. Ouais. Et puis l'escalade en réalité virtuelle a tendance à me gonfler très très rapidement. Donc autant dire que sur ce jeu-là, en fait, vu qu'il y en a quand même beaucoup... J'ai très très mal vécu le début de l'aventure, et puis au bout d'un moment, bah, tu te prends au jeu en fait. Tu te rends compte qu'en fait le jeu il a quand même autre chose à proposer. C'est vrai que l'escalade, bah, en fait, même ça tu t'y fais, parce que comme tu disais tout à l'heure, en fait c'est jamais exactement la même chose. Ils arrivent à varier un petit peu de gameplay entre les piolets, le coup du grappin, des parties qui se décrochent. Ouais, c'est ça. Et puis tu retrouves cette patte qu'il y avait dans London Studio, Blood and Truth, ou Uncharted, où tu vas sauter sur un truc et le machin il va claquer, quoi. Et tu dis merde. Ouais, c'est ça. Tu te rattrapes à la dernière minute. C'est ça. Et ça fonctionne bien. Et t'as toujours des toutes petites surprises qui sont pas forcément systématiques et qui viennent ponctuellement justement relever un petit peu l'intérêt du jeu. L'escalade, au moment où tu commences à prendre le coup de main et tu commences à avoir des automatismes et puis voilà, à grimper de plus en plus rapidement, et ça fonctionne bien. Et comme tu disais tout à l'heure aussi, la satisfaction de te dire, tu vois le tout petit point là, tout en bas là, de la montagne, que tu vois quasiment pas là. Et ben en fait t'étais là tout à l'heure et t'as tout gravi tout seul en fait. Et des fois c'est un petit peu impressionnant. T'as des passages, tu vois vraiment le début du niveau qui est tout en bas, très très très très loin, et tu dis putain. Et t'arrives à voir où t'es passé. Ouais. C'est ça. J'étais là tout à l'heure. Et c'est ça, et tu dis putain, ouais, j'en ai fait du chemin quand même, mine de rien. Et t'es content. Au niveau des combats, je les trouve peut-être pas suffisamment compliqués. C'est vrai que c'est un jeu quand même assez simple. Il manque un mode facile, moyen et difficile. Ouais, franchement, je trouve que même les gros bestiaux, tu les claques assez, assez facilement. Du moment que tu maîtrises l'esquive, ça va. T'as quelques passages furtifs qui sont pareils, un peu bas du front. Franchement, les veilleurs, ils veillent rien du tout. Mais voilà. Ils sont bêtes. Globalement, c'est un jeu, je pense, qui a été développé vraiment pour les nouveaux joueurs de réalité virtuelle qui essayent justement d'apporter des sensations de vertige, qui essayent d'être impressionnant dans sa mise en scène et puis dans sa mise en situation du joueur, tout en l'assistant et pour que ce soit pas trop difficile d'accès. Dans les combats, dans la grimpette, etc. Ça marche plutôt bien. Gros point noir qui me fait lever les yeux au ciel à chaque fois que je joue à des jeux Horizon. Le personnage principal parle trop, te donne toutes les solutions. Tu dis attention, il faudrait peut-être trouver un rouage pour ce mécanisme. Ouais. Oui, mais je crois que c'est une variante parce que il dit pas attention, tu devrais peut-être utiliser parce ton focus. Parce qu'il a pas de focus, mais il a tout le reste. Ben oui, mais c'est une variante. Mais c'est la nouveauté. Ferme-la, personnage. Au bout d'un moment, laisse-nous chercher. Je devrais passer par cette porte. Cette porte est abîmée. Il faudrait peut-être forcer. Comme tous les jeux PlayStation Studio, God of War, c'était pareil. Mais qui mettent une option pour désactiver tout ça, quoi. Mais ça se trouve, il y en a une en plus. Au niveau de la durée de vie, peut-être qu'elle y est, ouais, mais je suis pas sûr. Tu l'avais dans Forbidden West, pourtant elle parlait tout le temps, mais en fait, c'est le temps, avant qu'elle te donne la solution, qui va être plus ou moins long. Elle parle tout le temps. Dès que t'as une corniche, je devrais passer par cette corniche. Peut-être que cette corde me permettrait de passer. Mais ta gueule, au bout d'un moment. Il réfléchit à voix haute. Ouais, mais moi aussi. Il y a des fois des répliques qui sont très drôles aussi. Déjà dès le début, quand il fait un veilleur, heureusement j'ai mon arc. Oui, et il dit ça avec une grosse voix. C'est ça. Il craint le feu. J'ai remarqué, merci. Ou quand tu pètes une cible, tu sais, t'as plein de cibles à péter un petit peu à droite à gauche dans les décors. Une machine en moins. Sauf que non, c'est pas une machine, c'était une cible. Donc, ça me saoule. Et c'est un truc, oui, comme tu disais, c'est les studios PlayStation, les jeux, c'est ces jeux-là qui mettent beaucoup l'accent dessus, en tout cas qui usent et abusent de ce système, justement, de prendre les joueurs pour des débiles, pour pas qu'ils soient perdus et pour pas qu'ils décrochent dans le jeu. C'est pas les seuls à avoir fait ça. Hein. Je veux dire, le dernier jeu de Asobo, Plague Tales, c'est exactement pareil. C'est qu'avant, on n'est pas complètement débile. Enfin, je sais pas, c'est le plaisir de la recherche, de la découverte, de l'exploration. Qui est au moins la possibilité de désactiver et d'avoir des difficultés supplémentaires. Ouais. Mais ouais, c'est bien. Ouais, mais justement, on en avait déjà parlé de ça, mais est-ce que c'est pas. Étant donné que les gens finissent pas les jeux, ou beaucoup finissent pas leurs jeux, est-ce que c'est pas pour inciter les gens à continuer Tant et pis pas, pour eux, ils l'ont acheté. S'arrêter à la première difficulté. On n'est pas sur le Game Pass là, Majo. Ils l'ont acheté le jeu à Elite PlayStation. Ouais, ils s'en foutent que les gens ils le terminent ou pas. Ouais, mais si tu finis pas le premier qu'il y a une suite, est-ce que t'achèteras la suite? Est-ce que tu vois? Ah, peut-être, ouais. Ouais. Je sais pas. Mais disons que, admettons, moi, tu laisses le jeu tel quel, tu changes rien. Quand le mec il le démarre, il démarre dans ce jeu-là qu'on est en train de jouer. Mais d'avoir juste. Par contre, le type il veut le rejouer une deuxième fois, qu'il ait peut-être une difficulté supplémentaire. C'est peut-être sympa pour augmenter plus. Parce que je sais que moi je serais friand de le refaire 2-3 fois s'il y avait des niveaux de difficulté supplémentaire. Un New Game Plus, ouais. Alors il y a ça. Je pense que c'est vraiment fait pour les nouveaux joueurs, quoi. Le côté, quand je dis démo technique, c'est voilà, parce que c'est une démo technique graphiquement, oui, mais je pense aussi c'est voilà les possibilités, comme tu disais tout à l'heure, utiliser les objets, les balancer, voir essayer de jouer un petit peu avec la physique, un petit peu d'exploration. Le joueur n'est jamais perdu, il est toujours bien accompagné, que ce soit dans la grimpette ou dans les combats. Ça fonctionne très très bien. Peu de prise de risque du coup. Pour les joueurs un peu plus expérimentés, j'aurais aimé quand même pouvoir avoir, je sais pas, peut-être des passages un peu plus planqués, un peu plus raides, mais tu vois, pas obligatoire. Il y en a un petit peu des trucs cachés, mais ils sont faciles à trouver. Voilà. Si tu cherches un peu, tu les trouves. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, pas forcément des trucs obligatoires, mais des trucs un petit peu plus, rotors, tu vois. J'aurais bien aimé ça. Et puis, Il y a un truc qui m'a énervé dans le jeu, c'est faire ces espèces de totems de pierre là. Ah ouais, c'est vrai que ça pareil aussi, c'est aussi pareil pour voir un petit peu comment fonctionne la VR. La physique est bonne, il n'y a pas de souci, mais ça m'intéresse pas de faire des totems de pierre. J'en ai fait deux, puis après j'ai laissé tomber, ça m'a gavé, j'ai dit ça sert à rien. C'est pour le platine. Moi je t'en ai fait des jolis quand même, de temps en temps, des bons 70-90 cm. Pas mal. Il y a ça et puis bon, couplez ça avec le passage du début. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. On est bien. Et oui, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque quand on avait parlé de Forbidden West, je vous avais parlé d'un combat douloureux que j'avais eu avec un oiseau tempête qui était passé sous le décor. Oui. Et que ça m'a complètement niqué mon combat alors qu'il était quasiment mort et que j'en avais chié et que j'ai dû relancer ma sauvegarde pour pouvoir le retaper une deuxième fois. Eh ben, ils sont plutôt constants en fait dans ce studio, parce que pour le même oiseau tempête, j'ai eu exactement le même problème sur Call of the Mountain où l'oiseau en fait il était bloqué derrière un espèce d'élément du décor. Il lui restait à peu près 10% de vie. Je sais pas si je vais mettre la capture sur la version vidéo du podcast, parce que j'ai pas envie non plus de spoiler les gens, mais en tout cas je vous promets que ça m'est arrivé exactement la même action que dans l'autre putain de jeu. L'oiseau, au bout d'un moment, je sais pas, je le vois qui descend un tout petit peu, encore un petit peu, et poup, après je le vois plus. Je l'entends, mais je le vois plus. Et puis il y a plus sa barre de vie ni quoi que ce soit. Et je ne comprends pas comment ça peut arriver, ce genre de choses-là. Et donc du coup, voilà, cette espèce de constance dans les bugs, je trouve ça quand même assez beau, et c'est dommage que, que ça me soit arrivé encore. Donc voilà, c'est un peu emmerdant. Et tu disais, Laurent ? Non, je disais, moi j'ai perdu une main, donc je me baladais, puis tout d'un coup, je me suis retrouvé qu'avec la main gauche, et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, donc j'ai marché un petit peu, mettons 10 mètres, puis après je me suis retourné, j'ai vu que j'avais ma main droite qui était restée en place sur le décor, et quand je bougeais les mains sur les sense, ma main là-bas, elle bougeait encore, elle pouvait faire des petits... Ouais, ça c'est un décrochage de tracking. Voilà. Ah c'est carrément la main qui est restée. Alors après, je m'amusais à mettre des paniers sur la main, et le panier, il volait en fait. Il était en plein milieu, et la main ne bougeait plus. Tu vois, même quand t'as des bugs, t'arrives à trouver une activité à faire en fait, parce que finalement, t'as pas éteint le jeu pour relancer et récupérer ta main. Amusé. Non, t'as continué à jouer avec ta main buggée. Et puis, qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi comme bug? Ouais, donc des flèches qui restaient dans le vide. Un rat aussi, j'ai croisé un rat fou. Ah, le rat qui fait du moonwalk, non? Ah ouais. Il arrive devant toi comme un rat, tu dis bon, c'est bon. Et puis quand il te voit, il a peur, il fait demi-tour, et puis là, il tournait en toupie. Il a un souci, le rat. Mais bon, ça t'amuse en fait. C'est des petits bugs, ça c'est patchable, donc ça va. C'est pas des trucs. Mais plutôt globalement, je trouve que Horizon est quand même assez prenant. Il est sympa à parcourir, il est suffisamment varié. Il y a plein de petites. Sympa à jouer, quoi, tout simplement. Et puis même si, alors c'est un peu peut-être pour certains, bon les ceux qui attendent vraiment du vrai gameplay, des machins comme ça, tout ça, ils vont peut-être dire justement que il est un peu facile, qu'il est un peu, mais par contre techniquement il pose des bases. Et franchement, moi ce qui m'a plu là-dedans aussi, c'est de voir ce qu'une PS5 couplée à un PSVR2 était capable de faire. Et maintenant que j'ai vu ça, je vais être pénible à mon avis. Du flou. Ça troll. Ça va, c'est pour rire. Ça ne nous fait pas rire, ça, monsieur Majou. Non. On rigole pas avec ce genre de choses. C'est tout pour Horizon, du coup. Pareil, je pense qu'on y reviendra. De toute façon, il y a le test qui va sortir. Il y a la preview qui est disponible sur YouTube. Si vous voulez en savoir plus. Est-ce qu'on termine sur RE8? Parce que l'émission va être quand même déjà pas mal longue. Majou, est-ce que tu veux parler de Resident Evil 8? Je peux en parler rapidement. Alors c'est Steph qui a fait la preview, je l'ai aussi essayé donc jusqu'à l'arrivée au village. Je n'ai pas encore pénétré le château Dimitrescu. Qu'est-ce que... Merci. Elle reconnaît pas là. Petite dédicace, bisous Elroco. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Que là aussi c'est le jeu traditionnel. Donc le même jeu que la version classique, bon ça on le savait jusque là, pas de réelle surprise. Techniquement ça fonctionne plutôt bien, on a un bon sentiment d'immersion. Alors on arrive du coup dans le jeu au départ, on va passer par l'armurerie, et donc il va nous apprendre, enfin il y a une espèce de tuto pour apprendre à se déplacer, ouais, à récupérer les armes, à se balader, à utiliser la torche, etc. Donc c'est plutôt sympa, ça permet de s'amuser avec les armes. Les sense fonctionnent plutôt bien. J'ai juste un bug quand tu tiens tes armes à deux mains, où en fait Ça le fait pas que chez moi, parce qu'il me semble avoir vu aussi sur la preview de Steph, où en fait ça relève naturellement l'arme vers le haut, alors qu'en fait t'as bien tes mains qui sont au même niveau, droite en face de toi. Ouais, donc je trouvais ça assez assez désagréable, donc du coup j'ai plus pris l'habitude d'utiliser une seule main pour et ça marche très bien, utiliser l'arme, ça marche très bien. Ensuite, système de rechargement classique, éjection, on recharge, on arme le chien. En motion gaming. Exactement. Donc ceux qui sont allergiques au motion gaming, ça va les faire chier. Parce qu'on est de retour justement à certaines personnes qui, justement, voilà, comme tu disais, fusil à pompe, cartouche par cartouche, ça amène des mouvements supplémentaires justement et qui peuvent jouer un petit peu sur ton manque de réactivité en jeu, surtout dans les gros moments de panique. Sur les boss, je pense que ça risque d'être un peu plus délicat, quoi. Ouais. Après, bon, c'est plus immersif, c'est long, pour le coup. C'est ça. 5 cartouches, enfin, ouais, parce qu'il faut aller les chercher dans la sacoche, les insérer, donc c'est vraiment clac, clac, clac. Après aussi, tu peux customiser tes armes et puis du coup rajouter des cartouches dans ton fusil. Hein. Tu peux en mettre plus que ça après. Ouais, enfin, moi je parle de ce que j'ai fait au début, du moins on était sur 5 et effectivement. C'est relativement long, mais bon, écoute, après c'est un coup à prendre, hein, changer d'arme. Tu peux te battre avec les poings aussi, je sais pas si c'est possible dans la version d'origine, la version traditionnelle. Non, je crois pas. Là, tu peux pas mettre des coups de poing. Bon, enfin bref, non. Là tu peux mettre des patates de forain, ça fonctionne. Et puis bon, une fois que le jeu se lance, on est, comme je disais tout à l'heure, dans la maison de Ethan. T'as les petites interactions. Alors là, pareil. Sa femme est toute petite, donc après moi j'ai pas fait le 7, donc j'ai jamais eu le courage de m'en occuper. C'était le même syndrome dans le 7 aussi, quand tu croisais Mia et puis l'autre meuf là, c'était Zoé je crois, t'avais l'impression qu'elles avaient 12 ans quoi. Bah là c'est un peu pareil, elles sont frêles, après c'est relativement propre, je trouve le jeu un petit peu aliasé, ça se voit beaucoup plus quand on arrive au village. Par contre, on a un super panorama, je trouve quand même. C'est relativement impressionnant. Il y a pas. Là, tu vois, paradoxalement, il n'y a pas spécialement de flou. Non, c'est propre. Je dirais général. Voilà. C'est vraiment plus l'aliasing là qui m'a interpellé. Donc, il y en a quand même. Il y a de l'eye tracking, je crois, sur R8. Hein. Il me semble qu'il fonctionne. Hein. Je peux pas te dire. Vu les captures, je crois que peut-être oui. Bien, ouais. Parce qu'on voit que c'est. Je pense que sur les côtés. En tout cas, Capcom l'a annoncé. Mais est-ce qu'il y est vraiment, mais donc, j'ai un gros doute là-dessus, moi, pour l'instant, hein, sur l'ensemble des jeux. Je crois que ça se voit, ça se voit dans les captures qu'a fait Steph quand il est dans le château. Donc du coup, là-dessus, pareil. Après, c'est efficace. Le casque, les retours haptiques aussi, c'est plutôt efficace. L'ambiance est plutôt bonne. Me suis fait flipper où tu vas dans et j'ai rigolé parce que Steph s'est fait la même remarque que moi au moment à ce moment-là où tu vas dans une espèce de cave en fait sous une maison puis tu arrives devant un placard, tu ouvres le placard et puis là je sais plus ce que tu découvres, des armes et à ce moment-là je me dis faut pas que je me retourne et Steph s'est fait la même remarque, en fait tu te retournes, il ne se passe quasiment rien si ce n'est que t'as le mais c'est ça qui est... le plafond qui vibre et tout ça et c'est toujours ces petites émotions là, et parce que là bon mais faut vraiment te retourner si tu veux, c'est pas juste et si ça te taille la gueule, c'est vraiment dans ta gueule quoi. Exactement. Donc pour le coup c'est toujours ces ambiances qui sont plutôt sympas. Et puis voilà, donc pour l'instant si je dois donner aussi un autre défaut, pareil Steph l'a souligné aussi, c'est quand tu tombes donc dans le jeu, toi t'es debout, mais le fait d'être en position allongée dans le jeu alors que toi t'es debout, moi ça me perturbe. J'avoue que j'ai un peu du mal à d'être vraiment à avoir le sol ici quoi. Ouais, à accepter ça, à me le mettre, à pas me sortir de l'immersion avec ça. Si tu veux, j'avoue que j'ai un peu de mal. C'est vrai. Et c'est vrai que t'as pas mal de phases comme ça. Dans tous les jeux quand tu rampes en fait, hein, pendant une cinématique, hein, c'est à chaque fois c'est ça fait bizarre quoi, c'est sûr. Ouais, c'est rare quand tu rampes dans un jeu VR. Ça arrive souvent quand même, mine de rien, tu vois, pas, ou même quand tu te baisses, quand t'es debout et que tu te baisses avec un bouton. Enfin, moi, vu que je joue tout le temps assis, en fait, j'ai pas ce genre de souci là, vu que je suis assis tout le temps. Ouais, mais du coup, là, je l'ai joué debout. Et c'est vrai que moi, ça m'a un peu. Un peu, sorti de l'immersion. Après, c'est pas vraiment très gênant, puisqu'on joue pas le jeu, on joue pas tout le jeu allongé, donc ça reste du détail. L'histoire de la veste, ça fonctionne aussi plutôt pas mal. Alors, faut bien jauger et comprendre avec quelle main tu peux attraper la veste, en fait, parce que c'est forcément la main opposée, je crois. Non, attends. Si c'est ça et comme ça, ouais, ça. Donc, pareil, c'est une gymnastique. Tu peux pas attraper ta veste, le côté de ta veste avec n'importe quelle main. Ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Et puis voilà, donc, dans l'ensemble, ça fonctionne aussi plutôt bien, voilà. C'est relativement quali comme expérience. Après voilà, c'est un gros jeu, ça reste un triple A. Il y a pas de physique aussi dans le jeu, il y a très peu, voire même rien, parce que je crois que tu peux juste attraper ce qui t'est indiqué dans le jeu. Ce qui est interactif, quoi, tous les objets uniquement que tu peux récupérer, c'est quoi. Ça. Mais tu vois, genre dans la maison, t'as plein de choses, t'as plein de bibelots, t'as plein de cadres. Tu peux pas mettre le dawa, c'est pas possible. Voilà, il y a pas de physique. C'est tout rangé. Là-dedans, il y a rien de particulier. Ça reste un jeu plat au départ, donc bon, c'est plutôt compréhensible. Et puis les avant-bras aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, ça m'a perturbé ça aussi. Alors, je suis pas du genre à demander les corps entiers, mais d'avoir des moignons à demi complet, autant mettre que les mains en fait, je pense. Enfin, je trouve. Mais alors après, c'est peut-être pour justifier l'aspect protection. L'aspect protection et puis aussi un petit peu voir le positionnement de tes avant-bras. Le côté un peu torture porn du jeu, c'est-à-dire que quand même ton perso il prend cher, il se fait couper des doigts, des bras, des phalanges et machin, et il faut que tu vois un petit peu justement ton perso en chier et se faire démembrer et recoudre, quoi. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi, comme le 7 en fait. J'ai pas été jusque là, mais du coup ouais, je me suis laissé tenter par ce R8 qui a l'air moins flippant quand même, et plus orienté action, et puis c'est un peu les retours que j'en ai. R7, ouais, je confirme. Ouais. L'ambiance est beaucoup plus légère. Donc, du coup, même s'il y a des petits passages quand même bien chauds, mais sinon c'est plus léger. Je me dis pourquoi pas. Ah ben la cave déjà, j'étais pas bien. Alors j'imagine que après ça doit être pire, mais t'as la cage, t'as le passage des poupées, sans en dire plus. Je souhaite bon courage aux gens qui sont un petit peu sensibles aux environnements horrifiques. Une autopsie sur un mannequin et des poupées un peu partout, et puis une grosse ambiance sonore et pas beaucoup de lumière. Je vous souhaite bien du courage sur ce passage là en VR, la totale. Voilà, je pense que vous allez passer un moment tout à fait délicieux. Le parfait cocktail. C'est ça. Ouais, il y a des petits passages quand même qui sont efficaces quand même dans ce jeu là malgré tout. Donc voilà, écoute, à voir après un peu plus sur le long terme, mais l'ambiance est là en tout cas, la technique est là aussi, c'est plutôt propre. Et puis ah ben si, je suis bête, on en parlait tout à l'heure, ce fameux effet Mura au lancement du jeu, quand tu te retrouves plongé là dans la forêt avant d'arriver dans le village. Et tu es de nuit en fait, ça aussi plutôt efficace là, quand t'as des bruits un peu partout à droite à gauche, ça fonctionnait plutôt bien, mais voilà, c'est vrai que là ça a été le moment le plus dégueulasse visuellement que j'ai fait. C'était cette zone dans la brume où t'es dans la forêt, où là par contre c'était flagrant, quoi. Voilà, donc petit truc sympa, bonne pioche pour l'instant ce R8. Petit truc sympa aussi que tu vois aussi dans la démo, quand tu arrives, tu sais, t'as les espèces de corbeaux vraiment à l'intro, hein, quand t'arrives justement dans la forêt, t'as les corbeaux qui sont attachés, t'en as un, forcément tu passes ta gueule à côté, t'en as un qui est vivant, voilà. Et il te vole en fait autour de la tête, et justement dans le casque tu sens bien les ailes qui te tapotent le casque, vrai. Ça c'est parfait. le petit plus de la maison. Petit plus. Bon, de toute façon, voilà, on a fait un petit tour justement, voilà, des trois gros jeux qui sont sortis sur le PSVR2. On peut pas revenir sur beaucoup plus de jeux. On y reviendra dans 2 semaines et on aura l'occasion de toute façon de faire des previews et les tests complets au fur et à mesure. Si on devait faire tout ce qu'on a envie de faire et tout ce qu'on a essayé, l'émission elle durerait à peu près 6 ou 7 heures. Et malheureusement, il commence à se faire tard. Et donc du coup, on en garde un petit peu sous le coude pour dans 2 semaines. Si ça vous va, messieurs, ou si vous n'avez plus rien à rajouter, je pense que... Bon. Laurent, ça te va pour une première fois? Non, juste Ivry, qui est aujourd'hui donc le logiciel qui permet de faire tourner le PSVR sur PC, qui vient d'annoncer que effectivement le port USB-C de la PS5 était bien alimenté. Il fallait qu'il soit alimenté par, était alimenté par du 12 volts. Donc il fallait, pour s'y brancher dessus, une prise de 12 qui acceptait le 12 volts, et surtout qu'il était bien avec un mode alternatif display. Disport Play, donc c'est le truc qu'on parle depuis à peu près 2 ans, donc assez content que ce soit presque confirmé, parce que Ivry sont quand même spécialisés, là ils sont en train de travailler pour essayer de porter le PSVR 2 sur PC. Donc ça veut dire que t'as pas dit des conneries ? Eh ben voilà. Ah, c'est dingue ça. C'est incroyable. Donc ça veut pas dire qu'il soit actif pour l'instant. Mais ça veut dire que s'ils ont besoin de plus de débit, eh ben, il y a 32,4 gigabits seconde, donc on est tranquille. Ok, bon, à suivre, voir l'évolution un petit peu technique de tout ça. En espérant qu'on aura des jeux moins flous. Eh oui, c'est ce qu'on espère, en tout cas, du patch, de l'optimisation. Laissez venir Toby, à mon avis, ça va changer beaucoup de choses. Ça serait bien. Ok, et du coup, je pense qu'on va se laisser là. Rassurez-vous, on l'adore notre PSVR 2. On l'aime, tout ce qu'on veut, c'est retourner dessous et puis continuer les jeux qu'on a commencé, les terminer, et en profiter un maximum, le voir évoluer aussi, pouvoir le maîtriser un petit peu plus. Constater aussi que les développeurs vont le maîtriser aussi de mieux en mieux, un petit peu comme le PSVR. On se souvient un petit peu des jeux de début de génération du PSVR et ceux de fin, ça avait absolument rien à voir. Débuts étaient plus beaux. Non, abuse pas. Quand tu vois les démos, justement, les premiers jeux du PSVR, et qu'après tu vois des Hitman 3 qui sont complètement magiques sur le PSVR. Ah, Hitman 3, je dis pas. Techniquement. Hitman 3, je dis pas. Mais par contre, sur la fin, on a quand même eu un sacré paquet de merde. Aussi, pas d'accord. Sur PSVR 2. Restons optimistes, mon petit Lolo, et puis t'inquiète, ça va bien se passer. Quoi qu'il en soit, on se retrouve du coup sur le Discord, sur toutes les applications de podcast pour pouvoir écouter la version audio de Autour d'un VR et pouvoir la noter. Ça nous aide pour le référencement. De même que sur YouTube, dans sa version vidéo, faites des commentaires. Même si vous n'aimez pas nos gueules et que vous dites vous pensez qu'on dit que de la merde, laissez un commentaire, c'est bien. Laissez une vue, c'est bien. Laissez un pouce, c'est bien. Ça fait de la réaction. Donc merci à vous. Que vous soyez content de nous retrouver ou alors que vous nous détestiez. Nous, on vous aime tous pareil. À peu près. Donc la chaîne YouTube de Vert4Player, vous allez retrouver nos previews, vous allez retrouver les tests une fois qu'on aura fini les jeux, qu'on aura vu tout ce qu'il y a à dire sur ces nouveaux jeux. On se retrouve dans 2 semaines, on vous fait des gros bisous et puis à ciao. Ciao. Salut. Ciao.